So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Le petit Chainsmoker qui va bien pour vous dire bonjour. Oui, parce que don't let me down en anglais, ça veut dire bonjour. C'est pour ça. On est complètement bilingue, je peux vous le dire. Ah oui, non, non, on l'a vérifié. On a une équipe aux États-Unis qui nous a dit c'est bon, tu peux balancer cette info, tout va bien. Mardi, c'est le 6 septembre. Bonjour la famille, je m'appelle Bruno Guillon. On va débarquer là avec toute l'équipe de Bruno dans la radio. Oh, et à vue de nez, dans quoi? Dans moins de 3 minutes. Il y a Elliot, il y a Vaché, il y a Christina. Il y a le son de Fun Radio. La demi-heure qui arrive, c'est ça. On attaquera avec le nouveau Sigala. Give me your love. Il y aura Talk, DJ Snake. Oh, et puis je vous ressors David Guetta, Kelly Rowland, juste avant 6h30. J'ai envie. When Love Takes Over. La team du standard, est-ce qu'elle est réveillée? Luzman, est-ce qu'il est là? Luzman, bonjour. Mais oui, je suis là. Ameluche. Oui, je suis là aussi. Eh bien, ça fait plaisir. Voilà les deux voix charmantes que vous allez entendre si vous appelez maintenant. Le 32-28, pour jouer notamment au Toto gagné, Toto perdu. Vous voulez repartir avec une PlayStation 4, une GoPro, une enceinte Philips de couleur rose. C'est important la couleur, visiblement. Et l'agenda Fun Radio, bah, c'est 4 cadeaux. On va vous les offrir là dans 10 minutes. 32-28 pour le Toto gagné, Toto perdu. On arrive après les news. Fun Radio, Fun Radio. Le son Dance Floor. Ah, il est là, mon Maxime Poulaouec. Comment ça va, mon poulet? Très bien, et toi, Bruno? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Alors, des bonnes nouvelles au niveau de la météo. Pas partout. Demain, ce sera partout, mais aujourd'hui, c'est quasi partout le beau temps. Ouais, sur les trois quarts sud du pays, il va rester encore des nuages aujourd'hui, notamment entre la région parisienne et les Hauts-de-France, au nord de la Seine. Donc, il fait 14 à 18 degrés ce matin. Non, tu dis sur les trois quarts sud du pays, et voilà. Après, tu nous parles de la région parisienne et des Hauts-de-France. Tu tiens la carte à l'envers ou t'as eu des problèmes en géographie? Trois quarts sud du pays en partant de la Seine. Alors, de la Seine, d'accord, très bien. Voilà. Tu veux pas partir de la Loire plutôt? Non, c'est au-dessus de la Seine. Au-dessus de la Seine, il va faire moche. D'accord, ah oui, donc simplement. C'est donc, sur les trois autres quarts de la France, il va faire beau. Et bien, un petit peu de précision. Voilà, c'est plus clair comme ça. Allez, moi, s'il te plaît, en géographie, moi, titre personnel, quand j'étais en troisième, j'avais 18. Hein. D'accord? Donc, moi, je sais te placer sur une carte la Seine, la Garonne et ses affluents. Donc fais bien attention quand même. En tout cas, du soleil quasiment partout. D'accord. Pour faire simple, avec sur des températures comprises. En partant du principe que la ligne, elle part de la Seine. C'est ça. Très bien. Et les températures, 22 à Cherbourg, 25 à Paris ou encore 32 à Bordeaux. On est sur quoi? Sur les degrés Celsius ou Fahrenheit? Celsius pour l'instant. Très bien, merci bien. Voilà. Il faut préciser aussi. Hein. Allez, pour passer à autre chose, il y a du foot ce soir. Cette semaine, après la finale perdue de l'Euro, l'équipe de France renoue avec la compétition. Les Bleus qui débuteront les qualifs pour la Coupe du Monde 2018 face à la Biélorussie. C'est à 20h45. Deux morts par balle cette nuit à Marseille. Les victimes ont été prises pour cible dans un bar situé quartier du Panier. Elles étaient âgées de 40 et 59 ans. Les pompiers étaient en alerte. Le sud de la France de nouveau touché par plusieurs incendies attisés par des vents violents dans l'Aude, le Tarn et au sud de Marseille. Près de 800 pompiers venus de 12 départements sont mobilisés. Et puis le tennis ce soir avec le début des quarts de finale à l'US Open. Lucas Pouille contre Gaël Monfils Tsonga face à Djokovic. 6h02. Bon réveil sur Fun Radio. Bruno on Fun Radio. Mardi, c'est le 6 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h03. Bonjour. Bienvenue sur Fun Radio, bienvenue sur la première radio Dancefloor de France. C'est votre première fois ce matin, eh bien asseyez-vous, voilà, faites comme chez vous. On vous accueille sur la radio que tout le monde écoute. Vous arrivez ici, vous vous dites, mais que vais-je découvrir? Eh bien, du kiff. Du kiff jusqu'à 9h15, voire 9h30, voire 10h. On ne sait pas jusqu'à combien de temps cette émission va durer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va se faire avec le nec plus ultra de la crème de l'élite, de la cerise sur le gâteau de ce qui se trouve en radio. Et je le prouve. Il y a Christina. Bonjour à tous. Passez une belle soirée. Ah oui, une très très belle soirée. Tiens, du rêve, t'as mangé quoi? Vite fait, je veux pas tout un truc, ambiance, je vous donne le menu d'un grand restaurant en trois mots. Des spaghettis bolognaise. Très bien, très bien. Bolognaise maison ou bolognaise de la sauce? Ah non, complètement sauce déjà faite, je sais plus quelle marque. Ouais, du cheval donc. Bonjour monsieur Vaché. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Alors Vaché, il est végétarien, donc forcément il n'y aura pas de la côte de bœuf ni du pâté. T'as mangé quoi? Je suis une bombe à retardement, j'ai mangé des lentilles et je les digère très mal. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais non, rentre pas. Tendu. Ne rentre pas. N'appuyez pas sur mon ventre. Comment ça va mon Elliot? Oh bah ça va bien. Alors Elliot, si on lui demande ce qu'il a mangé hier soir, ça peut être un peu du Indiana Jones culinaire. Hein. C'est-à-dire que dans son estomac, on peut trouver des choses un peu bizarres. Mais ça compte pas, j'ai été manger chez ma mère, alors je me suis fait dorloter. J'ai mangé un dos de cabillaud avec une ratatouille et du riz blanc. Ah, voilà, c'est bien, oui. C'est bien, Elliot. Si tu m'avais demandé hier, j'ai mangé une pizza hut et j'ai créé une nouvelle recette. Je peux la dire à l'antenne. Vas-y. Alors attention, tu prends une base de hawaïenne, ok, donc hawaïenne, c'est jambon ananas. Tu enlèves la sauce tomate, tu mets de la sauce barbecue comme base. Et j'ai rajouté, parce que j'adore la chèvre miel, j'ai fait un combo, donc j'ai rajouté des tranches de chèvre et du miel. Merci. Wow. Et donc voilà, ça fait une super pizza. Petit commentaire culinaire. On est d'accord. Et quand il parle de chèvre miel, il met vraiment du miel sur une chèvre entière. Qui c'est ça qui est inquiétant. T'as mangé quoi? Oh bah, et moi là, je peux vous dire de la grande restauration. J'ai mangé un artichaut en entrée. Oh, voilà, je l'ai vu sur Snapchat. C'était vraiment appétissant. Et ensuite, j'ai mangé du poulet grillé, un filet de poulet grillé avec des concombres et de la salade. Wow. Il est où le kiff? Il est pas là. Il est pas là, mais il est où? Peut-être que le kiff, il est chez l'auditrice du jour. Vous le savez, tous les jours, nous avons l'habitude de dédier l'émission à un auditeur ou à une auditrice de Fun Radio qui devient le taulier. Et voilà, jusqu'à 9h15, c'est son émission. Et ce matin, c'est un petit peu la classe. Elle est en Californie, les amis. Il est 21h06, elle nous écoute depuis Fresno. Je trouve ça quand même extrêmement classe. Applaudissements pour Alexane. Oui. Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour Alexane. Et putain, et habiter à Fresno, c'est le genre de truc que j'adorerais pouvoir le dire. Ça sonne mieux quand tu dis j'habite Fresno que j'habite Poitiers, je trouve, on est d'accord. C'est vrai. Oui, c'est clair. Tu fais quoi à Fresno, Alexane? Alors, je suis en année de fille au père. Je suis partie pour un an. D'accord, ok. Donc ça veut dire que t'es dans une famille, que tu t'occupes des enfants et en parallèle, tu fais des études ou pas? Ouais, c'est ça. Alors, en parallèle, j'ai des cours d'anglais, du coup, pour améliorer tout ça. Ah, are you is me? Ouais, non, j'ai vécu aux États-Unis. Ouais, mais à la frontière, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'arrives à l'aéroport aux États-Unis, il y a une ligne jaune, on dit faut pas la traverser, il est resté derrière. Bon, Alexane, c'est ton émission jusqu'à 9h15. Tu nous écoutes vraiment tous les jours depuis Fresno via le net? J'essaye quand je peux, mais là je vous regarde sur mon ordi en même temps. Ah ben on te fait coucou même en plus. Bisous. Parce que oui, c'est vrai que vous avez l'image via l'appli et via funradio.fr. Alexane, même si t'es aux États-Unis, il n'y a pas de raison, ça va être pareil pour toi ma chérie. T'as le droit de poser une question à quelqu'un de l'équipe. C'est le droit que te donne le fait d'être la première auditrice de la journée. À qui veux-tu poser une question? Eh bien, ce sera à toi Bruno du coup. Eh ben écoute, tu peux poser n'importe quelle question, je suis obligé d'y répondre. Alors, la question que j'ai, parmi toutes les séries américaines, quelle est ta préférée? Ah, alors attends, parce que là, du coup, c'est super large. Série télé, hein, on est d'accord? Oui, série télé. On est sur quoi? Sur de la récente, sur de l'ancienne? Ou alors de toute ma vie? Peu importe. De toute ta vie. Oh merde. Ah, c'est dur ça. Ah, c'est dur. Ouais. Alexandre, tu sais mon âge, parce que je l'assume complètement. Je le dis souvent, j'ai 45 ans, donc t'imagines que des séries, j'en ai eu plein. Oh, alors, actuellement. Il y en a une qui ressort du lot. Là, je te dirais. Ah, c'est celle-là? Ouais, alors, non, mais j'en ai plusieurs. Là, actuellement, tu sais quoi? Allez, exceptionnellement, je vais en donner plusieurs. C'est Walking Dead. Ça. Ouais, Walking Dead avec les zombies. Il y a une saison qui est passée sur Netflix d'une série qui s'appelle Stranger Things avec des gamins dans les années 80 que j'ai adoré. Voilà, ça ce serait pour les séries de maintenant. Et sinon, de toute ma vie, putain, c'est compliqué. Il y en a qui ont mal vieilli aussi. Série de vieux. Alors, et série de vieux, ouais. Allez, j'avais ça. Celle-ci. Je regardais ça quand j'étais petit, ça s'appelait Amicalement Vôtre. Ça m'angoissait, moi, quand j'entendais ça. Mes parents, ils regardaient aussi. Mais quand t'étais tout petit, de toute façon, vu qu'il n'y avait pas la télé, les séries, c'était quoi? C'était au théâtre que vous alliez voir? Je t'emmerde. Et Alexane, c'est quoi la tienne, ta préférée? Celle que tu suis peut-être aux États-Unis qu'on ne connaît pas en France? Si, parce qu'elle est trop connue, je suis Grey's Anatomy. Ah bah évidemment. Grey's Anatomy. Ah, oui. Bien sûr. Bah, moi, c'est ma série préférée aussi. Hein. C'est la seule que j'ai réussi à regarder pendant 12 saisons sans me faire chier. C'est quoi? Et Alexane, on va lancer un sujet là-dessus, tiens. C'est quoi votre série préférée? 32-28, on fait de la radio ensemble. Vous m'appelez maintenant au standard. Vous pouvez le dire avec le hashtag Bruno Fun Radio. Et comme ça, on va écouter des génériques de séries. On va se faire kiffer avant 6h30. On va le faire avec les gens de l'équipe. Alexane, bonne journée du côté de Fresno, ma belle. Oui, bah ça va être une bonne nuit pour moi et bonne journée à vous. C'est gentil. Bisous. D'un amour, on t'embrasse. Bonne journée en Californie. Salut, Alexane. Ciao, ciao. Oh, c'est classe. La Californie, le monde entier se réveille avec Fun Radio. C'est là où bat le cœur de la dance music. C'est là où vous découvrez le nouveau Sigala. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. I need it. Give me your heart. I'm bleeding. Give me your love. Sur Fun Radio. DJ Snake arrive dans quelques secondes pour réveiller la France, pour réveiller la Belgique et le monde entier. On a eu Alexane tout à l'heure qui était à Fresno aux États-Unis. J'ai l'impression que plus ça va, plus on est écouté aux États-Unis parce que c'est vrai que là on a eu Alexane, mais on a aux États-Unis notre fidèle fermier Teddy qui bosse là, qui doit être en train de passer la moissonneuse batteuse dans son champ de maïs dans le Kentucky. Car oui, il passe la moissonneuse batteuse dans son champ de maïs. Qu'est-ce qu'il en a foutre? Il pourrait le faire sur du blé, mais c'est un Américain. Il doit être ravi quand il entend d'autres auditeurs américains qui passent sur Fun Radio. In USA, you know, everybody loves Bruno on the radio. Tu sais, aux États-Unis, tout le monde aime Bruno dans la radio. Alors, des fois, on rigole, des fois, c'est un peu triste, mais c'est toujours un bon moment que je passe en les écoutant. Sometimes I fuck dead people. Et de temps en temps, j'ai envie de leur envoyer un bisou. Fuck me. Et bonjour. Tiens, bah justement, on en parlait, il est en Belgique, Fun Radio en Belgique qui se réveille depuis la semaine dernière avec Bruno dans la radio, c'est tout nouveau pour Bonjour la Belgique, applaudissements pour Benjamin. Salut, salut tout le monde. Salut Benjamin. Salut Benjamin, salut. T'es à Moucron en Belgique. Tout à fait, oui. Alors, pour nous autres pauvres Français, qui, somme toute, ne connaissons pas très très bien la géographie belge, si tu aux auditeurs, où se trouve Moucron par rapport à Bruxelles, par exemple, par rapport à la frontière, en fait, hein. Bah ouais, ça va être simple, en fait, c'est pas loin de Lille. C'est ça, ouais, c'est pas très loin de Lille. D'accord. Mais les clubs sont moins chers. Voilà. Et où se trouve Lille? Ah oui, merci. Bon, Benjamin, principe du tout ou gagné, tout ou perdu. Tu viens d'arriver sur Fun Radio, tu viens de gagner une PlayStation 4. D'accord. Tu viens de gagner une caméra GoPro. Tu viens de gagner ton enceinte Philips. Tu viens de gagner ton agenda Fun Radio. Ces quatre cadeaux, Benjamin, ils sont à toi. Mais il va falloir les garder. Et pour les garder, Benjamin, il va falloir répondre correctement à quatre questions que je vais te poser, puisque si ce n'est pas le cas, chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Eh bien, Benjamin, c'est parti. Première question. Une des spécialités culinaires les plus prisées sur les marchés de Taïwan est la soupe de serpent avec bile du foie et sperme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et bon appétit, bien sûr. Oh, ça pourrait être vrai. Et c'est oui. Vrai. C'est vrai. Alors, vous y allez. Tu l'as essayé, Elliot? Non, alors, j'y suis allé pas loin et j'ai vu le truc. Donc là, t'as la bile dans un shot avec du saké. Ouais. Et t'as aussi autre chose, t'as le cœur donc, qui bat encore, qui met dans un verre à shot. Et c'est vraiment pour le maître de la table, genre le plus vieux. Ouais. Et il doit le boire et ça, c'est pour ça qu'ils ont une longue vie. Et en fait, ils mangent tout. Et donc, à partir du serpent, ils arrivent à faire 8 plats. Ils peuvent nourrir une famille avec un seul serpent. Oh, putain, mais ils peuvent pas manger des coquillettes comme tout le monde. Ah, ça me dégoûte. Voilà. Et alors, il faut savoir, ça fait plaisir. Il faut savoir, Benjamin, qu'on tue le serpent devant toi. Ah, oh, c'est horrible. Et surtout s'il y a son liquide de mal, en plus ils lui font des attouchements quoi. Ah, au serpent, c'est ça qui est chiant. Ah non, ils vont le chercher de là derrière. Ah bon, ouais. Par contre, après il y a un gars qui directement fait une chaussure avec la peau du serpent. Rien ne se jette. Tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième question. Le record mondial du nombre maximum de personnes à rouler sur une seule moto est de 54 personnes. C'est-à-dire, il y a 54 personnes qui étaient montées sur la même moto. Et là, regardez, eh ben, bonjour, gendarmerie nationale. Excusez-moi, peux-tu me donner le papier du véhicule. 54 personnes sur une moto, ça te paraît vrai ou ça te paraît faux? Ça me paraît un peu beaucoup, je dirais faux. Au revoir, la PlayStation 4. Et non, c'est vrai. C'est possible, même Loana, je l'ai vu sur une moto. Donc. Ça a été réalisé par les membres de l'India Army Service Corps en 2010. Ils sont montés à 54 sur une moto. Tu joues pour la GoPro, l'enceinte Philips et l'agenda Fun Radio. Troisième question. La mère de James Bond s'appelle Monique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Eh non, c'est vrai. Ah ouais. Le papa de James Bond, dans le livre de Ian Fleming, on apprend qu'il s'appelle Andrew Bond, d'accord. C'est un Écossais originaire de Glencoe et sa mère s'appelle Monique Delacroix. Mais non. C'est une Suissesse. Et je ne sais pas si quand elle arrivait au magasin, elle disait ouais. « My name is Bond, Monique Bond ». Parce que forcément, ça sonne différent, on est d'accord. Et j'ai une alerte people sur James Bond, si vous voulez. Quand vous tu voulez. Tu sais quoi, on l'a fait maintenant. Moi, tu me dis, attention, les alertes people, ça tombe quand t'as l'info. Si t'en as une maintenant, on l'a fait maintenant. C'est le principe de la breaking news. Excuse-moi, hein. Benjamin, on revient vers toi dans deux secondes. Alors, dis-moi. Okay, vous le savez, Daniel Craig ne veut plus être James Bond. On en a beaucoup parlé dans l'émission. Eh bien, en fait, les studios Sony ont décidé de tout faire pour le convaincre de revenir. Alors, c'est dans la presse ce matin. Il lui propose 134 millions d'euros pour deux films. 134 millions d'euros pour deux films. Alors, est-ce que l'acteur va craquer? On va le savoir dans les jours qui viennent. Moi, je craque, hein, s'il ne veut pas. 134 millions d'euros. Ah, ils veulent pas lâcher l'affaire. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est connaître le prix qu'il prenait pour la James Bond avant. Alors, déjà, il lui avait proposé 89 millions et il a refusé. Ah bon? Là, ils sont passés de 89 millions à 134 millions d'euros. Ouais, quand tu refuses 89 millions, déjà, c'est que tu gagnes pas le SMIC. Ouais. Hein. 20 millions de plus et il va jouer au Real de Madrid. En plus du James Bond. Merci, Christina. Benjamin, alors, tu as perdu la GoPro. Nous finissons avec la dernière question. Tu joues pour l'enceinte et l'agenda. Un épi de maïs peut contenir jusqu'à 1000 grains de maïs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais vrai. Oui, c'est vrai. En moyenne, c'est 500. mais ça peut atteindre 1000, peut-être sur du maïs transgénique, qui sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gagnes ton enceinte et l'agenda Fun Radio, ça sert à vous. C'est mieux que rien. Bon, Benjamin, je vois que t'es chauffeur routier et chauffeur poids lourd. Ça veut dire que dans toutes les villes où tu vas t'arrêter, du côté de Moucron, d'accord, mais également toutes les autres villes dans lesquelles tu vas passer, à Tourneil, par exemple, près de la frontière, etc., hop, tu vas voir les gens, tu dis, hey, écoutez, Fun Radio, ils viennent d'arriver en Belgique, je peux vous dire que c'est quelque chose, Bruno, dans la radio, on se marre tous les matins. Je te fais confiance, Benjamin. Problème. Tu es mon commercial, du côté de la Belgique. Je suis né pour ça. Je t'embrasse. Bonne journée à tous, merci. Bisous. Bisous. C'est quoi votre série préférée? On vous a posé la question ce matin. On va faire de la radio ensemble là, après DJ Snake. C'est Talk. Salut, c'est DJ Snake. Le matin, on se réveille avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. J'ai besoin de vous au 32-28 pour le chiffre du jour. Bon, c'est le cas tous les matins, vous allez me dire. Mais là, ce matin, j'ai besoin de filles. J'ai besoin de filles pour compléter cette phrase. 80, c'est le chiffre du jour. 80% des femmes trouvent trop chou les hommes qui... Et souvent, et je vous vois les filles, vous craquez devant un gars, par exemple, un gars qui va tenir un bébé dans ses bras. Ouais. C'est les photos, genre de mannequin, le mec, il a la chemise un peu ouverte, il tient le bébé contre son torse et tout dit, ça. Il est trop mignon. Il est trop chou. Et ben, les filles, dites-moi, 32-28, on fait de la radio ensemble. Vous complétez cette phrase. Je trouve trop chou les hommes qui... ont de l'argent. C'est trop chou, il peut me payer tout ce que je veux. Si t'es vénal, ouais, ça marche. Tiens, hashtag Bruno Fun Radio, on est déjà en top tweet France. C'est le sujet dont on parle le plus en France. J'ai envie de dire comme tous les matins, mais ça ferait genre on est blasé. Et on n'est jamais blasé de votre fidélité. Donc merci d'être là sur les réseaux sociaux. Tiens, on va s'en servir maintenant, on parle série télé. Wow. Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. On a attaqué l'émission à 6h tout à l'heure avec Alexane qui nous appelait de Fresno en Californie. Enfin, je vais être très honnête, on l'a appelée à Fresno en Californie. Elle s'était manifestée sur la page Facebook de l'émission. Il est hors de question de lui faire passer tout son argent de poche dans un coup de fil vers la France. Mais il n'y a que moi où on dirait que Fresno, on dirait une ville du 92. Je n'osais pas le dire tout à l'heure, mais on dirait pas du tout une ville de Californie. Ouais, Fresno sur scène. Ouais, voilà. Et elle m'a posé une question, c'est quoi ma série télé préférée? J'ai eu du mal à répondre, c'est vrai, parce que entre... les récentes et les plus anciennes, mais elle m'a dit de toute ma vie. De toute ma vie, c'est vrai que petit, j'avais une série que je kiffais, c'était Amicalement Vôtre. Voilà. Il y avait aussi les mystères de l'Ouest. Alors évidemment, si tu as moins de 20 ans aujourd'hui, comme c'est le cas de beaucoup d'auditeurs de Fun Radio, tu ne sais pas de quoi je parle. Mais c'était en noir et blanc Amicalement, non, c'était en couleur déjà. Quand même. Et c'est vrai que sinon, je suis fan de Walking Dead aujourd'hui et de Game of Thrones, mais de toute la vie, c'est compliqué. Christina, on t'a pas demandé. Elliot a dit que c'était Grey's Anatomy. Oui. Christina, c'est quoi toi? Alors moi, c'est comme Marine Philibert sur Twitter. Elle a tweeté avec le hashtag Bruno Fun Radio. C'est Friends. Ah ouais, putain, j'aimais bien aussi ça. Ah oui, bah oui. Franchement, je regarde encore des épisodes, je m'en lasse pas et pourtant je les ai vus 50 milliards de fois. Mais je sais pas, tu t'identifies à eux et pour moi, je suis Monica par exemple, tu vois. Je trouve que je lui ressemble et elle me parle et j'adore cette série. Moi, je me sentais Chandler dans Friends. Ah ouais, ouais. Après, ce qui était chiant, c'est que sur la fin de Friends, ils ont changé les voix françaises. Sur les deux dernières saisons. Ça m'a pas dérangé. Oh, bah attends, t'as un personnage qui parle comme ça et du jour au lendemain, il fait oui, bonjour. Oh non, quand mais même pas. C'est vrai que si on devait donner à l'équipe de Bruno dans la radio un parallèle avec la série Friends, Christina ouais pour être Monica. Ah oui. Ouais. Elliot c'est un chien, il y en avait un dans la série. Non, il y avait une oie. Elliot ça pourrait être Joey et toi tu pourrais être Ross. Ah cool. Et c'est bien Joey? Ouais, Joey c'est top, ouais, bien sûr. Ouais. Parce que moi je suis Team Wyman sur Mother, vous le savez, hein, j'ai jamais regardé Friends. Hein. À How I Met, ouais, c'est après. Bah, c'est-à-dire que Friends, c'est les années 90, à How I Met, c'est les années 2000. Ouais. Exactement. En fait, t'es surtout Tim, je parle bien anglais, parce que How I Met Your Mother. Qu'est-ce qui charrie, lui. Tiens, va chez ta série préférée. Alors en ce moment, c'est sur Netflix, c'est Narcos que j'adore. Ouais, très bien. Mais de tous les temps. Ah, de tous les temps? Ben non, je serais comme toi, je serais comme Walking Dead, hein, franchement, honnêtement. C'est Narcos et Walking Dead. Narcos, ça parle de drogue, donc je trouve que c'est sympa, c'est un bel exemple pour les jeunes, ça montre qu'il y a des façons de s'amuser. Et Walking Dead, ça parle de zombies. Ouais. Walking Dead, retour au mois d'octobre, là. Ouais, la fin de la saison. Et tu sais qu'il y a mon fils qui devrait naître au début de la saison de Walking Dead, je te jure, je pourrais lui péter la gueule. Ça va pas. Je vais louper la saison. Alexis à Châteauroux, salut Alexis. Salut l'équipe, salut toute la famille. Coucou. Alexis, ta série préférée de tous les temps, de toute ta vie? Moi, c'est Prison Break. Ça revient. Ah bon? Ah, c'était bien, ouais. Moi, alors, je suis d'accord. Tu sais, il y a des séries, c'est rigolo, hein, qui ont été des succès. Ça passait sur M6, ça a été un succès phénoménal. Avec Wentworth Miller, c'est ça? Oui. Je n'ai pas regardé un seul épisode de toute ma vie. Ah, franchement, c'est canon. Et c'est vrai que là, ils vont refaire des nouveaux épisodes. Avec les mêmes acteurs. Tu vas re-suivre si ça revient, Alexis, ou pas? Oui. D'accord, tu n'es pas dans la nostalgie de « c'était mieux avant ». Eh bien, très bien, Alexis. On t'embrasse, mon poteau. On a Mélanie, elle est à Bourges. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Bruno. Bonjour. 29 ans. Je donne votre âge. Et c'est pas Mélanie, c'est Mélissa. Ah ben moi, ça a été écrit Mélanie. C'est on va pareil. Demander à Luzman au standard. Bonjour, Luzman. Alors, Luzman fait sa tête. Bonjour. De quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, qui a fait une erreur? C'est Amélie ou c'est Luzman? Je sais pas, je regarde. Qui a confondu Mélanie et Mélissa? Ah, bah, il y a écrit Mel. Moi, j'ai conclu que c'était Mélanie, pardon. D'accord, très bien. C'est moi, c'est de ma faute. C'est pas grave. Bon, Mélissa, ma chérie, je donne ton âge. C'est important parce qu'en fonction de l'âge, on peut avoir des séries, tu vois, qui sont un peu plus datées. C'est quoi, toi, ta série préférée de tous les temps? Alors, moi, de tous les temps, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Ça, c'est quand tu te faisais chier le dimanche sur M6, hein. Tu regardais ça. Hein. C'est horrible, c'était tellement vieux. Mais j'ai l'impression que La Petite Maison dans la Prairie, ouais, sur M6, c'est à passer pendant 23 ans, c'est tous ça. Les jours à l'heure du déjeuner. Et même quand on regardait quand on était petit, on voyait que la série était vieille, que l'image était de mauvaise qualité. Mais moi, j'aimais bien. Ça pue le renfermer, cette série. J'aimais bien. Nelly Olson, j'aurais eu envie de lui claquer la gueule. Ah mais bon ouais, mais j'aimais bien quand même. Je te fais des bisous, Mélanie. Bisous à vous tous. Ciao, ciao. Bisous. Hélène, 24 ans, elle est rennaise. Bonjour Hélène, bonjour Rennes. Salut Bruno, salut la famille. C'est salut. Quoi ta série préférée de tous les temps? Once Upon a Time. Ah, Once Upon a Time, générique. Il existe une ville dans le Maine. Je voudrais une chambre. Et bienvenue à Storybrooke. Où tous les personnages des contes de notre enfance sont piégés entre deux mondes. Super. Mais alors, ça passait sur quelle chaîne, Once Upon la a Time? La 6. Sur Sister. D'accord, elle est sur Sister maintenant, d'accord. Mais ça veut dire que ça continue à être diffusé? Moi je regardais pas la télé, je regarde sur internet. Bah oui, comme tout le monde. Moi maintenant les séries c'est pareil, hein. Honnêtement, bah oui c'est vrai. Je regarde tu télécharges illégalement. T'as pas la patience d'attendre. Mais en bien vrai sûr, chaque semaine pas, tu peux pas. Je te fais des bisous Hélène. Ouais, bisous. Bisous. Ciao ciao. On m'annonce que le nouveau Sia est déjà là. Il s'appelle We Were Your Children. Et bah vous savez quoi, à peine arrivé, je vous le passe. Comme ça, on est les premiers à vous le diffuser en France. Je vous jure que c'est vrai, le truc vient d'être mis à dispo il y a 3 minutes à peine. I got stamina. I got stamina. I need another lover in mine, 'cause I Chez nous, alors on l'a reçu aussitôt diffusé. Vous savez comment ça se passe en général, la maison de Nice nous balance le son à 6h20, on l'a reçu, là, voilà, on vient de vous le mettre. Nouveau SIA, ça s'appelle The Greatest. On est en top tweet France avec le hashtag Bruno Fun Radio sur le sujet, sur les séries. On peut revenir dessus hein, si ça vous fait kiffer, parce qu'il y a plein de génériques là qu'on a envie de se réécouter. On peut en reparler dans l'émission avant 9h15. Dans quelques secondes, il y aura David Guetta et Kelly Rowland. When Love Takes Over, ça fait longtemps. Mais pour l'instant, vous écoutez Fun Radio, les news. Fun Radio. Le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce mardi, c'est le 6 septembre et c'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo. Le soleil fait son retour sur quasiment tout le pays, mais les nuages résisteront bien au nord de la Seine, surtout ce matin. Les températures au lever du jour sont comprises entre 14 et 18 degrés. Dans l'après-midi, comptez 23 à Lille, 24 à Brest, 25 à Paris, 28 pour Ajaccio, jusqu'à 29 à Tours ou encore 32 à Bordeaux. Marseille compte ses morts. Deux hommes ont été tués par balle cette nuit dans un bar du 2e arrondissement. Les victimes sont âgées de 40 et 59 ans. Les tueurs n'ont pas hésité à tirer alors qu'une cinquantaine de personnes se trouvaient sur place et à moins de 200 mètres du commissariat central. Il s'agit des 25 et 26e homicides survenus dans la cité phocéenne depuis le début de l'année. Jérôme Cahuzac vide son sac. L'ex-ministre du budget comparé depuis hier pour fraude fiscale et blanchiment. Au premier jour du procès, il a avoué que son premier compte caché en Suisse devait servir à financer un destin national à Michel Rocard, décédé au début de l'été. Il assure que l'ancien ténor du PS ignorait tout, refusant de livrer le nom de ses intermédiaires. On a retrouvé Philae, le petit robot envoyé sur la comète Chury, n'avait plus donné signe de vie depuis novembre 2014. La sonde européenne Rosetta l'a localisé à moins d'un mois de la fin de sa mission, mais ses antennes étant tournées vers le sol, aucune information ne pourra être transmise, marquant ainsi la fin de l'aventure. Les sports pour terminer avec du football. D'abord, le début ce soir des qualifications au Mondial 2018 pour l'équipe de France. Les Bleus joueront à 20h45 contre la Biélorussie à Borisov. Le sélectionneur Didier Deschamps devrait aligner un 4-4-2 avec Giroud et Griezmann en pointe. Le tennis, trois Français seront sur les courts de l'US Open de New York ce soir et cette nuit, début des quarts de finale avec Lucas Pouille contre Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga contre le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. Il est 6h33, bon réveil sur Fun Radio. Bruno sur Fun Radio! C'est la rentrée! Ouh, j'ai trop contente! Bruno vous réveille. Ouah, c'est trop bien! On assure. 6h09 sur Fun Radio. Bon réveil la famille, mardi c'est le 6 septembre. Je vous ressors When Love Takes Over de Guetta avec Kelly Rowland. Ça va arriver sur Fun Radio. Et puis on va revenir sur le sujet là qu'on a lancé tout à l'heure avec Alexane, qui nous a appelé depuis Fresno en Californie. C'est l'auditrice du jour. On est parti sur un délire sur les séries télé. Et je vois que vous êtes comme des oufs là sur Twitter avec le hashtag Bruno Fun Radio. La question c'était voilà, c'est quoi la série préférée de votre vie? De votre vie, ça veut dire que ça peut nous ramener loin. Il y en a beaucoup qui arrivent là avec le. Mais ouais! Beverly Hills, quoi! Dylan et Brandon, quoi! On est dans les années 90, et forcément. Je peux te dire qu'il y a des prénoms aujourd'hui, il y a de la Kelly, il y a du Dylan, on sait d'où ça vient! Moi, je trouve ça horrible, leur tenue, leur coiffure. Mais c'était à la mode à l'époque! Mais ouais! Genre les bad boys qui étaient des bad boys juste parce qu'ils avaient un piercing, genre ça c'était wow, mais comment il ose! C'est Adeline qui était au kiff à l'époque, Brandon, Kelly, Dylan & Co, c'est ce qu'elle dit avec le hashtag Bruno Fun Radio, Beverly Hills. Il y a Alexis qui dit « Ma série préférée, c'est Alerte Cobra ». Ah, on est sur de la série allemande. Ah, je connais pas ça. Oh là là, et dans le genre, il y a eu le clown aussi, je crois. C'était horrible. C'est quoi? Ça passait sur la 3, je crois, les séries allemandes. Ouais, il y en a encore. Hein. Alerte Cobra, non, ça doit passer genre sur TMC ou à délire dans le genre. Il n'y avait pas le renard aussi, un truc comme ça? Non, c'est le clown. T'as dit le clown. Moi, c'était ma série préférée de rentrée d'école. Mais non. Il avait un masque de clown, il allait combattre les méchants. Waouh, ça fait trop peur. Trop bien, ça. Bah, vous savez quoi? 32-28. Allez. On va revenir dessus, je sens que ça vous chauffait et nous ça nous fait marrer aussi. Mais pour l'instant, chiffre du jour. Et bon, c'est le chiffre du jour. Et les filles, j'avais besoin de vous au standard. Besoin de vous pour nous dire ce truc qui vous fait fondre. Ce truc qui fait que quand vous voyez un garçon en train de le faire, vous vous dites « Oh, il est trop chaud !» C'est le chiffre du jour. 80% des femmes trouvent trop chou les hommes qui... Trois petits points. Qui quoi, Christina? Ah, qui repassent eux-mêmes leurs vêtements. Mais tu sais, qui prennent bien leur temps, qui le font consciencieusement, qui repassent une manche de chemise. Vous mettez à peu près une demi-heure pour repasser une chemise et je trouve ça trop chou. Ah, ça l'excite. Ah ouais. Elle passe devant son pressing, à chaque fois, elle voit le gars qui le fait, elle se fait « Oh là là, j'ai envie de vous, monsieur. » Gwen, elle est lilloise et elle a 27 ans. Salut Gwen. Gwen, je veux que tu complètes cette phrase. 80% des femmes trouvent trop chou les hommes qui... portent un uniforme. Ah oui, c'est vrai qu'un uniforme, ça marche. Quel uniforme? Bah, les pompiers, les flics, les militaires... Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, ouais. Et, bah, du ça, coup, elle a 27 enfants. Craquer, hein. Elle a fait ça avec la caserne. Hein, c'est non, mais c'est vrai, à côté de chez moi, j'ai une caserne à Gambetta. Ah bah à chaque oui. fois, je passe avec des copines... Je lui dis, ah, je vais faire un malaise, c'est pas possible. Calme-toi, calme-toi. On t'embrasse, Gwen. Merci d'avoir appelé, ma belle. Elodie, elle est à Lorient. Bonjour, Elodie. Salut, Bruno. Salut, la famille. Coucou. Bienvenue sur Fun Radio. C'est quoi, toi, le truc que tu trouves trop chou, que peut faire un garçon? Un homme qui pleure. Ah bah bien sûr. Hein. Moi je pleure souvent. Ouais, moi c'est pareil. N'importe quel truc, un film, un machin, je suis en pleurs. Mais je trouve que les garçons, vous pleurez pas comme nous les filles, parce que vous êtes tout en retenue. Alors souvent il y a une petite larme qui coule, vous avez les yeux humides, mais vous voyez, il n'y a pas des sanglots comme nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'on a cette fierté masculine, mais moi par exemple, sur Titanic, ouais, moi je te jure. Mais genre Titanic. En sanglots. Ah ouais. Et j'ai les larmes qui coulent. quand tu vois le corps... de Leonardo DiCaprio qui disparaît dans l'eau trouble en pleine nuit. Ouais, je chiale, mais je me montre pas. Dans ces cas-là, je tourne pas le visage. Et j'ai l'avantage, j'ai un gros nez, donc du coup, ça cache une partie. Mais le pire, c'est quand tu regardes un truc hyper émouvant à la télé, que tu pleures, et tu tournes la tête vers ta femme, genre on partage un moment émouvant, et elle, tu vois qu'elle est insensible à fond. Quoi. C'est ça, oui, Elliot. Je suis sûr que ça va parler. Moi, on parlait de série à chaque dernier épisode de dernière saison de série que j'ai suivi pendant 4 ans, genre Why Met, je fonds en larmes. Oh. À chaque fois, genre je dis, ah ça y est, je les ai suivis depuis si longtemps. Oh, Elodie, on te fait des bisous, ma belle. Hello. 80% des femmes trouvent trop chou les hommes qui possèdent un ours en peluche. Ah, alors non, ça, moi, ça, je trouve pas ça trop chou. C'est un peu angoissant, chiffre, quand même. Ouais, qu'on a vu sur Facebook. 80% des femmes trouvent trop chou les hommes qui possèdent un ours en peluche. Par contre, 100% des gens trouvent trop gay, hein, les gens qui, les garçons qui possèdent un ours en peluche. Vous en avez pas, vous, dans le studio? Ah les non, peluches j'ai arrêté, voilà. Moi, j'ai un chat en plus. Mais c'est parce qu'on me l'a offert quand je suis né, donc voilà, je l'ai gardé toujours en souvenir. Ah, mais donc t'as une peluche. Oui, j'ai dormi avec jusqu'à mes 16 ans. T'as une peluche. Mais jusqu'à mes 16 ans, après j'ai arrêté. Arrêtez. Mais elle est vieille, c'est même pas une vraie peluche. Je suis sûr qu'elle a un petit nom. C'est Félix, c'est un chat. Allez, c'est très Félix bien. Le chat. Et il est loin de ton lit ? Ouais, en fait, je lui ai... Non, j'ai fait une cabane dans mon armoire, en fait. Voilà. En fait, j'ai fait une cabane dans mon armoire, je l'ai couché sur mes jeans que j'utilise plus, comme ça je me dis qu'il a pas mal à la tête, et je l'ai couvert avec un vieux t-shirt. Mais c'est parce que... Arrêtez ! C'est parce que je lui parlais quand j'étais petit, et je me dis que ça se trouve, il est vraiment vivant. T'as une balle ! Non, mais je m'en fous maintenant, de toute façon, je suis hyper adulte. Love Takes Over, ça fait plaisir, ça faisait longtemps, j'étais en train de danser, je suis désolé, j'arrive au dernier moment. Faut dire que vous savez, dans cette équipe, on a un délire, c'est que Fonf qui réalise cette émission, il est censé me prévenir quand le disque termine, ouais. Tu vois, genre 10 secondes avant si je fais autre chose, et là il m'a prévenu, bon bah ça y est, c'est fini, pu, et non, mais... ça s'arrête. Fonf. Mais je kiffais aussi, moi, c'est pour ça, oui, c'est j'ai ça. Pas et donc, le temps du coup, passé. Fonf m'avait demandé de le prévenir pour qu'il puisse te prévenir, et vu que moi j'étais en train de danser, j'avais demandé à Elliot de me prévenir pour que je puisse prévenir Fonf et qu'il te prévienne. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans cette émission pendant le disque? Là, en l'occurrence, moi, je vous livre les coulisses. Je suis en train de regarder les vannes du JPI qui va arriver dans 10 minutes et je fais le tri des vannes du JPI. D'accord. Et je peux vous dire que c'est du tri sélectif, tu vois. Je sais pas ce que je mets dans la poubelle jaune, dans la poubelle verte. Donc voilà, laissez-moi le temps, prévenez-moi. Soprano. Ça va arriver là dans quelques secondes et puis on va se refaire un petit délire sur les séries télé. Vous me faites marrer. Hein. Je veux dire que il y a des séries qui vous faisaient kiffer, il y a du vieux dossier. Art Laker à vivre, par exemple. Si t'as moins de 30 ans aujourd'hui, tu sais pas ce que c'est, je pense. Ça fait partie des séries qui reviennent. Vous nous balancez ça avec le hashtag Bruno Fun Radio ou le 3228. J'ai tout plein de génériques. On se refait un petit délire là dans 4 minutes. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing.

radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. 6h48, bon réveil, c'est Fun Radio, c'est mardi, c'est le 6 septembre. On a lancé un sujet ce matin, là, dès le début de l'émission. Alexane, auditrice du jour, qui est avec nous depuis Fresno, en Californie, qui a le droit à une question tous les jours. L'auditeur du jour a le droit de poser une question à quelqu'un de l'équipe, et ce matin m'a demandé c'était quoi ma série préférée. Putain, c'était compliqué. Hein. Donc là, actuellement, je lui ai dit, voilà, Walking Dead. Walking Dead, Game of Thrones, je crois que ce sont les deux séries en ce moment qui me chauffent. Mais après, dans mon top des séries, j'ai 45 ans, donc forcément... Il y a des séries, moi, qui datent d'il y a 1000 ans. Voilà. Si tu me dis, dans les séries que je kiffais quand j'étais petit, il y avait ça. Ça, c'était ça. Les Mystères de l'Ouest. Ouais. Donc ça, forcément, aujourd'hui, t'as moins de 30 ans. Là, auditeur de Fun Radio, tu sais même pas de quoi je parle. Et si tu sais de quoi je parle, eh ben, t'es vieux, mec. T'es comme moi, t'es vieux. Et toi qui es une encyclopédie de séries de vieux, je regardais une série avec ma mère, c'était une vieille... Détective blonde là. Arabesque. Moi, oh, je regardais ça dans le livre avec ma mère. J'avais moi 5 dans ans. Les délires, il y a Columbo aussi. Alors après, c'est pas vraiment une série, mais j'étais fan de Columbo. Et j'étais fan en fait de l'acteur qui jouait dans Les Mystères de l'Ouest. C'est le gars qui jouait aussi dans une série qui s'appelait Les Têtes Brûlées. C'était Robert Conrad. J'étais fan quand j'étais petit. C'était mon acteur préféré. Tu m'as perdu. Ouais, je sais. Et ça parlait de quoi, par exemple, cette série? Les Têtes Brûlées. Ouais. C'était une équipe qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, était en Asie. Et ils avaient des avions qui s'appelaient les corsaires, qui avaient des ailes qui étaient un peu inclinées, et moi avec mes potes on faisait les avions avec les bras un peu repliés pour faire genre l'avion en guerre quoi, oh, tu vois. C'est trop mignon. Merci et Bruno. C'était dans le Pacifique. 6h50 sur Nostalgie dans un instant. Edith Piaf, reste avec nous. Non, rien de rien. Oh, t'es un connard. Sabrina et Léanise, bonjour Sabrina. Bonjour la famille. Salut. Je suis désolé, des fois je fais mon vieux. Et alors? Non mais t'as raison. Mais moi je me dis, de toute façon, Fun Radio cartonne. Quand t'as 12, 13, 14 ans, tout le monde écoute Fun Radio. Au pire, ils ont l'impression d'écouter un daron sympa. Mais bien sûr. Voilà, c'est tout. Et faut pas oublier que c'est les mecs de ta génération qui nous ont sorti de la merde en 39-45. Voilà. On était bien heureux que vous soyez au front. Merci les gars. Sabrina, ta série préférée de tous les temps? Ah, moi, rien ne vaut Buffy contre les vampires. Hein. Oh, le générique. Oh, et faites kiffer le générique. Monte le son. C'est toi, Elliot, qui étais fan aussi. Hein. Moi, j'étais fan de la trilogie du samedi. T'avais la soirée de charme, Buffy contre les vampires. Et un autre truc qui me faisait trop peur, alors j'allais au lit. Moi, je dois avouer que Sarah Michelle Gellar, il y avait une petite un peu rouquemoute aussi dans le... Bah, qui est la meuf de I Met Your Mother, Lily. Ouais. Et d'American Pie aussi, qui se met à la flûte dans... Non, il n'y a plus de respect, quoi. On dit rouquemoute. On est là-dedans. Personne n'a relevé. J'avoue. Je suis désolé, ça m'est échappé. Non, mais je pensais... En fait, j'avais vu que le respect était assis là, au coin du studio. Et là, je me suis dit... Merde, il est où? Il a dû aller chercher un café, c'est pour ça. Mais il va revenir, hein, monsieur. Vous inquiétez pas. Allez, les rouquemoutes qui écoutez la radio. C'était une dédicace pour vous. Je te fais des bisous, ma chérie. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. À toi. Alison Hannigan. Mohamed à Boulogne-sur-Mer. Bonjour, Mohamed. Hello, la famille. Salut, coucou. Mon pote. Ta série préférée de tous les temps, c'est quoi, toi? Ah, moi, en ce moment, c'est Blacklist. Il n'y a aucune série au-dessus. Ah, j'avoue que Blacklist. Je suis assez fan. Je suis complètement. Ouais. Tu suis sur TF1 ou t'as suivi sur le net et t'es à jour sur le délire? Non, je suis sur TF1. En fait. Ah oui, donc je vais pas te spoiler. Bah non. Tu sais pas qu'est. Non, non. Non, non. Non, non, non, non, non, en ce moment, je suis dégoûté parce qu'ils ont fait tuer Elisabeth et. Ouais. Alors, bah justement, je vais pas te spoiler la fin, Mohamed. Peut-être qu'elle va nous faire une Jon Snow. C'est vrai, ça pue la Jon Snow. Je te fais des bisous, Mohamed. Oh, vous m'avez chauffé avec ce délire de série là. Putain, ça me met toujours dans des états de ouf. J'ai envie d'arrêter l'émission et d'en regarder une. Mais non, mais j'ai envie de mettre que des génériques en fait. Arnaud, il est à Saint-Clément dans le 54. Salut Arnaud. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Coucou. Ta série préférée de tous les temps, c'est quoi? Ah, moi, ma série, c'est Doctor House. Ah, ça m'est trop bon. J'ai jamais trop regardé, moi, ça. Ah, ah, pour moi, il est sarcastique et tout, c'est trop bon. J'adore les vannes qui balancent, c'est super. Je sais pas, mais j'ai l'impression que Doctor House, c'est une série qui a été inventée, c'est pour que tu mettes la télé sur TF1, tu te mets dans le lit et genre tu t'endors. C'est le genre de série où tu regardes le début d'un épisode. Les vannes, tu peux pas t'endormir. Ah oui? C'est un délire. Moi, j'étais pas trop Doctor House, j'étais Doctor Disco plutôt. Moi, j'étais docteur allemand. Voilà. Je viens de la comprendre. T'étais docteur allemand, très bien, je te l'approche. Je rentre avec toi, tiens. Arnaud, je t'embrasse. Et je suis docteur rap aussi un petit peu. D'accord. Je suis docteur Mamour. Très bien. Arrête de m'arrêter, Eliott. Il n'y a plus de vanne avec la musique, hein, du coup, forcément. Ah non, ouais. Soprano, c'est tout de suite sur Fun Radio. Je suis en feu, je suis chaud. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'suis en feu. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir j'suis prince de la ville. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. J'suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. J'suis en feu. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car. J'suis en feu. Sors de la piste, je fais une grande écart de Vanda. J'suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. J'suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. J'suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des cheerleaders. J'suis en feu. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. J'suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. J'suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je John Covey. J'suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. J'suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. J'suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Le Vacher Time va arriver dans 5 minutes sur Fun Radio. Et c'est un petit point culture générale aujourd'hui. Ça faisait un petit moment là qu'on n'avait pas testé la France. Ah, j'aime bien. Petit extrait. Alors, pour commencer, il va falloir me conjuguer le verbe Vincent des Ch'tis au futur, s'il vous plaît. Quel verbe ? Le verbe Vincent des Ch'tis, si on pouvait se dépêcher. Je Vincent des Ch'tirai. Voilà. Bien voilà. Sûr. On en est là. Ça arrive dans 5 minutes. Pour l'instant, c'est le JPI. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et aujourd'hui on fête les Bertrands. Et si vous vous appelez Bertrand mais que vous avez l'âge d'aller au collège, ça doit être votre fête tous les jours. Et pour commencer, musique, le premier extrait du nouvel album de Matt Pokora qui reprend des chansons de Claude François s'appelle « Cette année-là ». Cette année-là, je chantais pour la première fois. Ouais, enfin cette année-là plutôt. International, RTL l'a révélé ce matin, le président philippin a traité Barack Obama de fils de pute. Non, pardon, de fils de pute. Les joueurs de l'équipe de France de football sont à Minsk avant leur match de ce soir contre la Biélorussie. Anthony Wosowicz est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait. les joueurs sont très excités, ils sont pressés de jouer. Ah bah forcément, ils veulent gagner, c'est normal. Allez les bleus! Non, ils veulent jouer vite pour se barrer de cette ville de merde. C'est Minsk, je vous rappelle. Ah oui, aussi. Bon, à dans une heure pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez les personnages de dessins animés et les testicules, regardez Ratacouille. Et ben voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Le son d'Ensfleur, le Fun Radio au réveil, c'est Bob Sinclair. À 7h10 en direct, je vais payer la facture. Il y aura Maître Gims. Nouveau Maître Gims, générique de camping, ma beauté. Maintenant tu m'abandonnes, j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde, j'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Ça arrive sur Fun Radio là après les news. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. The Parakeet. Hey, it's Martin Garrix on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. En panne au milieu de nulle part. Et on fait quoi maintenant? Sers-toi ton appli Direct Assurance, voyons. Comme ça, on pourra se faire géolocaliser par la dépanneuse. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Bon, pas de panique, je vous envoie une dépanneuse dans l'heure, ne bougez pas. Et ça ne va rien vous coûter de plus. Ah, quelle super journée! C'est votre appli banque qui va être contente. En plus, en souscrivant chez Direct Assurance, vous pouvez économiser en moyenne 270 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bougez pas, Bruno. Merci d'être sur Fun Radio, c'est mardi, aujourd'hui c'est le 6 septembre. Bon, alors tout à l'heure on va tenter de régler un problème. Et la chanson du jour, il y a Steve qui veut qu'on appelle sa maman. Il a un rêve, Steve, il veut devenir animateur de radio. Voilà, il est en stage de 3e et il aimerait faire un stage en radio et il veut passer le message à sa maman. On va s'occuper de lui, ce sera tout à l'heure, 7h30. Fun Radio, le son Fla. Le point sur l'actu de ce mardi, c'est le 6 septembre. Maxime Poulaouek pour les news. Salut Maxime. Salut Bruno, bonjour à tous. Tiens Maxime, on parlait de nos séries préférées. C'est quoi ta série préférée, toi? J'aime beaucoup Breaking Bad ou encore Malcolm, tout ça, c'est pas mal. D'accord, ouais, très bien. Ouais, bah, comme ça, on en sait un peu plus pour toi, voilà. Tout va bien. Ouais, je pensais qu'il regardait que des séries bretonnes, moi, Poulaouek. En même temps, des séries Dolmen. Bretonnes, il n'y en a pas beaucoup, 800, ouais, oui, c'est ça. Mis à part Dolmen, après, c'est un peu la merde. Allez, on commence avec la météo de cette journée sur trois quarts du territoire, il va faire beau aujourd'hui. Voilà, juste des nuages entre les Hauts-de-France et la région parisienne, les nuages qui resteront bien accrochés dans le ciel. Côté température, c'est toujours estival, 14 à 18 degrés au réveil. Dans l'après-midi, il fera 20 à Dunkerque, 25 à Paris et Annecy ou encore 29 pour Rennes, 31 à Perpignan. Direction la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France de foot débute ce soir ses qualifications pour le prochain mondial. Les Bleus joueront en Biélorussie à 20h45. Le sélectionneur Didier Deschamps alignera un 4-4-2 avec Giroud Giroud et Griezmann en pointe. Marseille à feu et à sang. Deux hommes ont été tués par balle hier soir dans un bar de la cité phocéenne. Ils avaient 40 et 59 ans. Les faits se sont déroulés à seulement 200 mètres du commissariat central alors qu'une cinquantaine de personnes étaient présentes sur place. Il s'agit des 25 et 26e homicides par balle depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône. Nicolas Sarkozy rattrapé par la justice. Le parquet de Paris a demandé hier son renvoi en correctionnel dans l'affaire Big Malion. Le financement présumé illégal de sa campagne de 2012. Son avocat dénonce un acharnement. Jérôme Cahuzac, lui, vide son sac. L'ancien ministre du budget est jugé depuis hier pour fraude fiscale et blanchiment. Il a fait des aveux inédits. Son premier compte caché en Suisse aurait servi à financer un destin national à Michel Rocard. L'ex-premier ministre décédé cet été n'est plus là pour se défendre. En tennis, trois Français seront sur les courts de l'US Open ce soir pour les quarts de finale. Gaël Monfils contre Lucas Pouillet-Tsonga face à Djokovic. Bon réveil sur Fun. Mardi, c'est le 6 septembre, c'est Fun Radio, vous écoutez, il est 7h04, bonjour ! Bonjour ! Bienvenue sur la première radio Dance Floor de France, il y a Bob Sinclair qui va arriver dans quelques secondes, 7h10, je vais payer la facture. Vous avez fait de la dépense, je paye de la facture, la vôtre peut-être, si vous avez la bonne idée, de me l'envoyer par mail facture@funradio.fr. L'équipe de Bruno dans la radio est là ce matin, comme chaque jour, il y a Christina. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Bonjour le France. Il y a Elliot. Bonjour la France aussi. Oh bah dis donc, t'as à avoir plus la pêche Elliot, on travaille. C'est une nouvelle voix que je teste, c'est une voix peut-être de prêtre. je sais pas Bruno. Non t'es parti dans un truc, rigolo. C'est quoi, reviens oui. Où t'étais au début, ouais, c'est nul. Et non, c'est moi Elliot, bonjour à tous. Ça cartonne avec le hashtag Bruno Fun Radio, là. Les séries punaise, c'est un truc de ouf. Il y en a plein. On est parti sur un délire ce matin, voilà. C'est quoi votre série préférée de tous les temps? Eh ben, et on peut revenir dessus à 7h15. Moi, j'ai du générique, en veux-tu, en voilà, ça nous permet de nous replonger dans les délires. Moi, vraiment, la dernière série qui m'a chauffé de dingue, c'était une série que j'ai vue cet été, que j'ai dévorée en deux jours tellement j'ai trouvé ça énorme. C'est ça. Stranger Things. C'est une série qui a été diffusée sur Netflix. À mon avis, vous pouvez la trouver en streaming maintenant sur Internet. C'est un mélange entre E.T., entre Poltergeist et Alien. C'est un délire. Carrément. Ouais, ça se passe dans les années 80. C'est une série aux États-Unis. Tout le monde a adoré. Ils viennent de signer pour une saison 2. Ouais. C'est l'histoire de trois mômes qui ont 12 ans dans les années 80. Et leur meilleur ami disparaît dans des circonstances un peu bizarres. Et en même temps, il y a une nana qui s'échappe d'un centre et qui a des super pouvoirs. J'ai trouvé ce truc. C'est génial. Mais de ouf! Même le générique, tout est top. J'ai pas réussi, moi, à aller jusqu'au bout. Ah non, j'ai adoré. Ah bon? Ouais, vraiment. On peut parler de séries, ouais. On peut continuer. 32-28, on fait de la radio ensemble. Elliot, pour moi, c'est le mec qui va regarder des séries que personne n'aime, de toute façon. Toi, t'es le seul qui va regarder Daredevil. J'ai regardé Daredevil, c'était vraiment horrible. Allez, c'est l'heure du Vaché Time. Bruno. Time. Oui, les coucou les copains. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Allez, on va arrêter de rigoler, là, on va faire un petit point culture générale. J'ai appelé une dame au hasard, hein, dans notre bonne vieille France, pour lui poser des questions et se rendre compte un peu de son quotient intellectuel. Vous allez voir, ça vole pas super haut. Allô ? Oui, bonjour madame, monsieur Vacher, je fais des tests de culture générale par téléphone. Oui. Qui sont totalement obligatoires pour évaluer votre niveau. Oui. Alors, pour commencer, il va falloir me conjuguer le verbe Vincent des Ch'tis. Au futur, s'il vous plaît. Quel verbe ? Le verbe Vincent des Ch'tis, si on pouvait se dépêcher. Quel temps vous m'avez dit ? Au futur, avec je. Je Vincent des Ch'tirés. Très bien, vous êtes ma première bonne réponse de la journée. Ça fait déjà plaisir de tomber sur quelqu'un de cultivé. Merci. Allez, on continue sur cette bonne lancée. Quel auteur du 19e siècle a écrit « J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. » Victor Hugo. Et non, c'était Émile Zola, les gens confondent tout le temps. Ouais, ça m'étonne pas. Victor Hugo, il avait écrit « Wesh alors, sort ta beuh ta plaquette, oh, je suis dans le game en claquette, oh ». Ça n'a rien à voir. Très bien. Pour finir, est-ce que vous savez dire « J'ai une envie pressante » en italien ? Ah non, j'ai J'ai des origines, mais je ne le parle pas. Alors, je vais vous le dire, c'est « J'ai l'olive au bord de la pizza ». Très bien. On se met en situation, on va essayer de le dire. « Que passa, madame ? Vous avez l'air d'avoir mal au ventre ?»« J'ai l'olive au bord de la pizza ». Eh bien, ta capette. Comment ? Ah, j'aime apprendre des choses. Aujourd'hui, il y a peut-être des enfants qui vont aller à l'école pour dire « J'ai l'olive au bord de la pizza ». Merci, ça fait plaisir. Fun Radio, le son Dance Floor, c'est le nouveau Bob Sinclair, tout de suite. Fun Radio, let's go. Fun Radio. Famille, mardi, c'est le 6 septembre et c'est Maître Gims qui arrive. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité. Je vais payer de la facture dans moins de 2 minutes. Alert people pour l'instant. Ouais. Cette année, les alertes people peuvent tomber n'importe quand. Dès qu'on a de l'info, là tout à l'heure à 6h15, l'info qui est tombée là cette nuit concernant James Bond, ça va peut-être toujours être Daniel Craig s'il accepte le gros chèque que lui fait Sony. Autre info qui vient de tomber, Christina. Là aussi c'est tout chaud, Calvin Harris a une nouvelle chérie. Quelques mois après sa rupture avec Taylor Swift, eh bien, le DJ sort avec une actrice chanteuse mexicaine. Elle est absolument canon. Allez voir la photo, elle est sur la page Facebook Bruno dans la radio. Elle s'appelle Elisa Gonzalez. Elle est vraiment très belle et le couple a été vu main dans la main le week-end dernier à Los Angeles. Alors pour l'instant, ils disent que c'est vraiment le début d'une histoire. C'est pas grand-chose, mais peut-être que ça va durer. Bien sûr, on va pas mettre la paella avant le plat, mais ça débute bien. La paella, okay. C'est pas le Mexique. Ah bon? Non. Qu'est-ce on va pas mettre Le chili. Mais non, le Mexique, c'est les pepitos. Ah, on va pas mettre les pepitos avant les churros. Ah, les churros. C'est espagnol. J'aurais dit les tacos peut-être. Ah merde. Putain de pays que je ne connais pas. Bruno. Allô. Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h10, 8h10 en direct sur Fun Radio. Je paie vos factures et même si vous êtes de nouveaux auditeurs de Fun Radio, vous êtes arrivés là cette saison, que vous avez changé de matinale, je reçois beaucoup de matinales nouveaux avec le hashtag Bruno Fun Radio qui disent bah avant j'écoutais telle radio, je viens de vous découvrir, putain c'est top, ça bouge et tout. Et bah vous dites pas faut que j'attende 6 mois avant d'envoyer ma facture, on vous accepte maintenant, on peut vous la payer maintenant. Et on accepte tout le monde, pour ça vous envoyez votre facture soit par mail à facture@funradio.fr ou bien vous la déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. Et si on vous rappelle en direct le matin, votre facture c'est cadeau, c'est pour moi et toute l'équipe débarque chez vous. Tiens, on parlait de série. C'est un peu l'agence touriste de la facture qui arrive chez vous. Nous partons chez Elisa à Saint-Étienne. Elliot fait barracuda. Tu dis ça parce que je suis gros? C'est pas par rapport à la coupe de cheveux. Allô? Elisa? Oui. Bonjour Elisa. Bonjour. Elisa qui est le seul animateur radio qui paye tes factures. C'est Bruno sur Fun Radio. Bah oui. Bravo. Ah, oh, j'ai gagné, merci. Comment ça va ma Elisa? Ça va, je viens juste de me lever alors. Et j'espère que ton réflexe quand tu te réveilles c'est d'allumer Fun Radio. Oui. Il est où le poste de radio? Il est dans la salle de bain? Il est dans la cuisine? Il est où? Il est dans le couloir. Dans le couloir, très bien. Comme ça, bah, il arrose toute la maison. C'est ça. Tu l'entends dans toutes les pièces. Je vois très bien la vie d'Elisa qui court entre la salle de bain, le dressing, comment je m'habille. Ah non, pas comme ça. Quel temps il fait dehors. Elisa, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? J'ai 19 ans et je suis étudiante en BTS tourisme à Saint-Étienne. D'accord. Tu m'as envoyé une facture de 273 euros. Bah, et une bonne facture d'étudiant en fait, hein. Oui, c'est pour payer mon abonnement au tram, en fait. Eh oui, le tramway de Saint-Étienne. Et pour ceux qui voilà. Se demandent ce que c'est que le tourisme, en fait, c'est ce que fait Elliot tous les matins. C'est-à-dire qu'il s'assoit et puis il regarde. Il regarde autour de lui. C'est très agréable. C'est ça. Je vous le conseille, vache. T'as long de tramway pour partir bosser, enfin pour aller à la fac ou pas? Je mets 10 minutes à peu près. 10 minutes. Et est-ce que t'es de l'école avec ton smartphone, le casque, bah t'écoutes la radio justement dans les transports en commun? Ah bah oui. Oh, tu me fais plaisir. C'est indispensable. Et bah tu sais quoi Elisa, je te paye tout de suite ta facture de 273 euros. On a lancé un sujet ce matin. C'est trop gentil. Je sais pas si t'étais déjà réveillée, on parle des séries préférées. Si je te pose la question, c'est quoi ta série préférée de tous les temps? Ah bah c'est moi, quoi toi? C'est les frères Scott. Oh les frères Scott. À l'ancienne, bien sûr. Ça passait sur quelle chaîne ça, les frères Scott? C'était sur la Une. Après 7 à la maison. Et regarde, j'ai l'extrait. Ah, j'adore. Gervin Depré. Oh là là. Il se passait quoi dans cette série? Moi, je suis passé à côté des frères Scott, Elisa. Bah, c'était un groupe d'étudiants qui étaient au lycée, en fait. Et ils étaient trop beaux! Ouais. Okay, je les ai même rencontrés, d'ailleurs. Mais non, t'étais amoureuse duquel, toi, Elisa? C'était Lucas Scott, moi. Ah, voilà. Le héros. Comme quoi. Mais non, mais on est tous tombés amoureux de quelqu'un dans une série. Bien là, sûr. Tu vois, par exemple, dans les récentes, moi, Khaleesi dans Game of Thrones, je cache pas que dans les premiers épisodes, elle m'a un peu chauffé quand même. Hein. Surtout quand il y en a un où elle est toute nue. Ben oui, bon, il y en a plusieurs. Quand elle sort des flammes. Oh là là. D'ailleurs, trouve-moi l'épisode où elle est habillée. Elisa, je te fais le chèque, je t'envoie ça vite, je te fais des bisous. C'est trop gentil, merci beaucoup, gros bisous à tous. Et bisous. Je voulais juste faire un bisou à mes collègues du McDo de Chavanay, à tous mes amis. Et à ma famille. Eh ben, tu sais quoi, on les embrasse. Maître Gims, ça arrive sur Fun Radio. On va continuer. Alors, là, le sujet cartonne tellement sur Twitter, hashtag Bruno Fun Radio. On est en top tweet France, là, depuis 6h du matin. On va se refaire ça encore un petit peu, histoire d'écouter de vieux génériques, puis après, on passe à autre chose. Allez. Puis on peut délirer, parce que moi, il y a des séries, je vois des noms qui tournent, ça me fait marrer. Maître Gims arrive sur Fun Radio. À tout de suite. Fun Radio vous a réservé les ultimes places. Justin, beep, beep, beep. Pour le concert de Justin Bieber. Hey Justin. Pour y être, écoutez Fun Radio. Right now. Is it too late now to say sorry? Dès que vous entendez de double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber à l'Accor Hotel Arena à Paris. Justin Bieber. C'est le double fun sur Fun Radio. Fun Radio.

Il est là, mon Gims. Maître Gims sur Fun Radio. Justin Bieber avec DJ Snake. Attention! Dès que vous entendez deux tubes de Justin Bieber à la suite, vous appelez Fun Radio 3228. On vous offre les dernières places pour le concert de Justin. C'est le 20 septembre à l'Accor Arena Hotel à Paris. C'est le double Fun Fun Radio. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Comme quoi, un sujet peut cartonner. Et dès 6h du matin, vous avez propulsé l'émission en Top Tweet France, puisque nous parlions des séries télé qui nous font kiffer. Une auditrice m'a dit, voilà, c'est quoi ta série préférée de toute ta vie ? Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Je disais qu'actuellement, voilà, dans mes préférés, j'ai Game of Thrones, par exemple. Game of Thrones... C'est trop compliqué pour moi. J'ai abandonné. Ah bah, Game of Thrones... Je disais, voilà, c'est un peu chaud quand même comme série. Les premiers épisodes, ça fait l'amour non-stop. C'est génial. Ouais. Ouais. Attends, ça fait l'amour, mais dans la même famille au début. Ouais, c'est ça. C'est un peu gênant. Ouais. C'est ça qui m'a chauffé. Hein. Bon, ça décapite aussi beaucoup. En général, tu sais que les gens qui brossent dans Game of Thrones, ils décèdent un ou deux épisodes plus loin. Ah ouais, ouais vraiment. Dès que tu t'attaches à un gars, il meurt. Quoi. C'est ça. Ouais, Game of Thrones, c'est la série. En fait, dès que tu commences à dire « Ah putain, lui, je l'aime bien », il décède. Donc, vaut mieux que les gens ne soient pas des héros, en fait, dans cette série. On disait, voilà, c'est quoi la série préférée pour vous de tous les temps? Et vous êtes comme des oufs sur Twitter au 3228. Il y a Romain, là, il a 18 ans, il est à Longueville-sur-Mer, en Vendée. Bonjour Romain. Bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Salut. Ta série préférée de tous les temps, de toute ta vie? Ah ben moi, c'est Smallville. La naissance de Superman. Ah c'est ça, c'était Superman. C'était sur M6 ça aussi. Ouais. Hein. Mais il y avait une différence avec Lois et Clark ou pas? Ah, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bah, Lois et Clark, c'est Superman aussi. Oui, mais il était déjà grand. En fait, d'accord. Là, vraiment, ça part de la naissance. T'as le truc qui te jette chez ses parents dans la ferme, et puis voilà, ils le recueillent, ils le font grandir, etc. Quoi, voilà. Ouais, moi, j'aimais bien le générique. Mais après, c'est vrai que j'ai pas suivi. Mais il y a des séries qui cartonnent, et on passe à côté. Là, tout à l'heure, je te fais des bisous, Romain. Il y a un auditeur sur Twitter, hashtag Bruno Fan Radio, qui disait Breaking Bad. Ah, Breaking Bad, il paraît que c'est une série de ouf. Énorme, énorme. Mais moi, le problème, c'est qu'on m'a spoilé la fin. Ah, bah oui. Qu'est-ce qui se passe à la fin de... T'as pas envie de le voir, du coup. Et du coup, vu que je connais la fin, j'ai pas envie de le voir. Mais je vais pas le dire à l'antenne ceux qui vont suivre. Mais du coup, ça m'a un peu cassé mon délire. Julien, il a 30 ans, il est à Rouen. Salut Juju. Salut Bruno, salut la famille. Coucou. Salut. Julien, la série préférée de ton kip de tous les temps? Alors moi, c'est American Horror Story. Ah putain, j'avais oublié celle-ci. Alors, j'avoue aussi qu'American Horror Story, je suis fan. Là, il y a une nouvelle saison qui va bientôt arriver. Maintenant, il y a Lady Gaga qui est rentrée dans le délire. La dernière, c'est dans l'hôtel, hein, c'est ça? Ouais, avec l'hôtel, Lady Gaga. Ouais, je l'ai trouvé un peu chelou. J'ai beaucoup aimé la 2 dans l'hôpital psychiatrique et celle aussi, la fête foraine. Mais je vous avais passé la chanson. Ouais. Avec Jessica Lange. Moi, il y a un truc. Elle joue le rôle d'une ancienne nana allemande qui s'est fait couper les jambes. La série est vraiment barrée. Ça a l'air cool. Hein. Ouais. Ah non. C'est trash à mort. Et elle fait une reprise dans la chanson, c'est ça? Ouais, c'est ça. Regarde. Ah, t'as la chair de poule. Et tu me disais, à chaque saison, ils changent de décor et d'acteur. Ah, ça, non, c'est cool, non, pas d'acteur. Non, justement, non, les acteurs restent, ouais. Mais par contre, c'est pas du tout les mêmes personnages. Et ça se suit pas, quoi, entre la 1 et la 2. Julien, on peut le dire, c'est une des séries les plus glauques au monde. Par contre, c'est un peu glauque, ouais. La série, dans la saison 2, dans l'hôpital psychiatrique, vraiment, c'est au-delà. Même la 1, en fait, si t'aimes les films d'horreur, ce qui est cool, c'est que ça fait vraiment, vraiment, vraiment flipper. Ouais, et il n'y a pas de limite. Il y a nos limites dans le dossier. D'ailleurs, c'est dans... je crois que c'est dans la dernière ou dans l'avant-dernière saison, il y a le chanteur des Maroon 5 qui est dedans. Ouais. Alors, il ne reste pas longtemps. La personne décède assez vite. Julien, je t'embrasse, mon pote. Après, ça fait toujours moins peur que Joséphine Ange-Gardien. Je sais pas si vous avez vu sur téléphone. Cet été, sur M6, il y a eu Quantico. Alors, c'est la série événement. Alors, c'est magnifique, c'est énorme. C'est trop bien. J'ai pas vu ça, mais je vais regarder en téléchargement parce qu'il paraît que c'est bien. Trop bien. Dimitri, il est à Rouen, il a 22 ans. Salut Dimitri. Salut Bruno. Dimitri, salut, ta salut. Série préférée Coucou. Du monde que t'aimes? C'est Big Bang Theory. Tu parles, ça m'a fait chier aussi. Ah, moi, je tombe dessus de temps en temps. Ça passe sur quoi? C'est sur Energy 12, je crois. Oui, c'est ça, ça passe sur Energy 12. Moi, maintenant, je peux plus regarder avec le travail que je fais, malheureusement. J'aimais bien, ça y est, beaucoup de conneries, etc. Donc, ouais, moi j'aime bien. C'est bien, ouais, c'est drôle. Ouais, c'est des trucs. Et puis en plus, t'arrives à tomber dedans, tu comprends assez vite. Tu vois, le problème des séries maintenant, c'est ça, c'est qu'il y a des séries. Je te fais les bisous, Dimitri. Il y a des séries, tu bites plus rien, quoi. Tu rates trois épisodes. Ah, moi, il y a une série. Alors le générique, il va vite, hein, c'est ça. Si je vous mets juste le générique. À l'ancienne. Lost. Lost, meilleure série du monde. Ah non, c'était pas mal quand même. Quoi? Mais c'était trop bien. Quoi? La série 1, il y avait la saison 1, il y avait une promesse. Au début de la saison 2, j'ai lâché l'affaire. Et puis alors, de tous ceux qu'on suivit jusqu'à la fin, je les ai vus après, ils étaient au bord du suicide en disant tout ça pour ça. Mm. Et ben, je peux dire que les gens étaient vénères. Je veux dire, la série est géniale, la fin est à chier. Pour moi, j'ai une théorie, c'est que le mec qui a écrit ça était vraiment super concentré, il était hyper créatif, etc. Et au moment de la dernière page où il devait écrire le dernier épisode, sa meuf, elle a dit à table. Et là, il a fait oh putain, attends. Et en fait, ils sont tous morts. Allez, j'arrive. Marion à Saumur. Bonjour Marion. Salut Bruno, salut la famille. 26 ans Marion, c'est quoi ta série préférée de tous les temps? J'ai un petit peu honte, mais c'est Plus belle la vie. Oh non. Bah ça cartonne hein, tous les soirs. Hein. J'ai en été même temps, en même temps, tu sais quoi, je vais pas me moquer, c'est des scores d'audience de ouf. C'est vrai que c'est pas Je regarde depuis le début, donc ouais, je suis fan. Je Marion, peux en louper, hein. Est-ce que t'es de l'école à dîner devant Plus belle la vie? Un peu, ouais. Mais j'espère que t'as un chéri qui aime aussi. Moi, je suis... Bah en fait il n'y a pas trop le choix. Je suis plus de l'école à gerber devant Plus belle la vie. Non, moi je veux pas. Non franchement je veux pas. C'est critiquer. Un délire. Je veux pas critiquer. Ça marche, ça marche. Ouais. Il y a des actrices Mimi en plus dedans. Moi j'ai des copines. Et... Rebecca Hampton, elle est toute Mimi. Elle est jolie. Elle est super jolie. Hein. Elle est bonasse. Ouais, ouais, c'est sûr. Vraiment. Marion, je te fais des bisous. Bon, hey, les amis, voilà, on va conclure là-dessus pour le sujet série. Mille merci, la famille. Vous êtes des bombasses. Depuis 6h du matin, c'est plus de 4000 tweets hashtag Bruno Fun Radio qui sont passés sur vos séries préférées. Vous êtes des bombes. Merci beaucoup. Voilà. Là, vous m'avez bien scotché. Chanson du jour, ça arrive. Vous écoutez Fun Radio, DJ Snake, Justin Timberlake, juste après les infos. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. Hey, it's Martin Garrix on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Le mois Carrefour. Aujourd'hui, le mois Carrefour commence avec des promos renversantes. Jusqu'à 70% d'économies sur la carte Carrefour, sur les gourdes Andros et encore plein d'autres produits de marque. Jusqu'à 70%, génial! Alors embarquement immédiat! Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'au 12 septembre, profitez de 70% d'économies sur la carte Carrefour, sur de nombreux produits de marque. Valable sur les gourdes pommes nature Andros par 18. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois. Détails sur sfr.fr. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je ne vous cache pas que c'était très serré. Et dans la catégorie design, le prix du petit prix revient à la cuisine méthode Ringoult, 409€. Elle est bien équipée. Incroyable, elle sait tout faire. Chez IKEA, les prix sont bas toute l'année. Découvrez-les dans le nouveau catalogue et dès maintenant en magasin et sur IKEA.fr. IKEA. Bougez pas, Bruno. J'ai dit Justin Timberlake, c'est Justin Bieber avec Snake. Là, ça arrive sur Fun Radio, il y a la chanson du jour. Yanis a eu sa soirée d'intégration. Vous savez, ça va souvent avec la rentrée, la soirée d'intégration. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il va nous en parler en direct, là, dans moins d'un quart d'heure, sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance. Fla. Fun. Fun. Le point sur l'actu de ce mardi, c'est le 6 septembre, c'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, bienvenue à tous sur Fun Radio. On commence par la météo avant de retrouver du soleil partout dès demain. Il restera encore quelques nuages aujourd'hui entre les Hauts-de-France et la région parisienne. Sur les trois quarts du pays, en revanche, vous profiterez d'une belle journée. Il fait déjà 14 à 18 degrés ce matin. Au plus chaud, comptez 22 à Cherbourg, 25 à Paris et Reims, 26 pour La Rochelle, 27 à Clermont, 29 à Tarbes et 33 à Nîmes. Nouveau règlement de compte à Marseille. Deux hommes âgés de 40 et 59 ans ont été tués hier soir à l'arme automatique dans un bar du centre-ville. Ils ont été abattus à seulement 200 mètres du commissariat central et devant une cinquantaine de témoins. Ce sont les 25 et 26e victimes d'homicides par balle dans les Bouches-du-Rhône en 2016. Nicolas Sarkozy n'est pas sorti d'affaire. Le parquet de Paris a demandé hier un procès pour l'ex-président et 13 autres prévenus dans l'affaire Big Malion, un financement présumé illégal de sa campagne de 2012. Il s'agit de la dernière étape avant un possible renvoi en correctionnel. L'avocat de Nicolas Sarkozy dénonce un acharnement. 800 pompiers toujours mobilisés dans le sud de la France. Plusieurs incendies se sont déclenchés hier soir, notamment au sud de Marseille, avec une trentaine d'habitations évacuées. Deux autres feux de forêt sévissent à Tuchan dans l'Aude et à Castres dans le Tarn. Les prix des transports sont raisonnables en France. Résultat d'une étude publiée hier par le comparateur de prix GoEuro. On se classe 11e sur 40 pays. Mais surprise, voyager en train à l'intérieur de nos frontières coûte plus cher qu'en avion, à 17,50€ contre près de 15€ les 100 km. Les plus petits budgets opteront pour le car à seulement 5€ pour le même trajet. On termine par le football. La France débutera ce soir les qualifications au Mondial 2018. Premier match face à la Biélorussie à 20h45. Le sélectionneur Didier Deschamps devrait aligner un dispositif en 4-4-2 comme il l'avait fait lors des dernières rencontres de l'Euro. 7h34, bienvenue sur Fun Radio, c'est Bruno jusqu'à 9h. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Mardi, c'est le 6 septembre. C'est Fun Radio que vous écoutez, 7h34. Excusez, je vous explique pour rire ou pas? Oui, bah on sait ce que c'est. Hein. Non, tu sais pas ce que c'est. Ah bon? C'est non. Pas notre groupe WhatsApp? Non, rien à voir. C'est que j'ai un casque pour travailler et ouais. qui rentre directement dans mes oreilles. Et le fil vient de lâcher et j'arrive. Et t'arrives pas à retirer le truc? Et j'arrivais pas à enlever le truc de mon oreille. J'étais comme un crétin depuis deux minutes en train d'essayer d'enlever le bouchon d'oreille qui. Voilà, c'est bon. C'est bon. Oui, bah, et accident de travail. Bien évidemment. Je prends pas soin de tes affaires, moi. Ouais. Je te félicite. Du coup, non, je vais pas parler de ce groupe WhatsApp qu'on a créé avec l'équipe et avec les photos que font passer depuis tout à l'heure Elliot et Mika du JP. DJ Snake et Jones, ça arrive. Disons que là, les gens se disent on est exclu, ils disent pas ce qui se passe. Disons que voilà, c'est, il faut prendre des photos horribles. 5 fruits et légumes par jour, mais il faut les manger par la bouche. Hein. Voilà, c'est tout ce que je viens vous dire. Non, mais ce que vous oubliez, c'est que ça s'enregistre directement dans le téléphone. Moi, je vais oublier, je vais rentrer chez moi. Ma fille va prendre mon téléphone et va voir ses photos. Eh ben, elle sait qu'une orange, c'est pas là. Allez, 7h35. On a comme un petit problème. Oh. Le mardi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du mardi. Allez, faites sonner le clairon pour Steve. Bonjour Steve. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Déjà très belle voix. Ah oui. Et à 14 ans, très belle voix Steve. Déjà on voit que t'as une voix de garçon. Moi quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais à peine 13 ans. Quand j'arrivais à l'antenne, les gens me disaient bonjour mademoiselle. Donc déjà ça part bien. Steve, tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. C'est le passage pour faire la chanson du jour. La chanson du jour, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où on fait passer un message par un auditeur de Fun Radio à quelqu'un d'autre, qui écoute Fun Radio ou pas d'ailleurs. Et ce matin, Steve, tu nous as demandé de faire passer un message à Katia. Katia, c'est ta maman. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce que tu disais dans ton mail, s'il te plaît, Steve? Je voulais lui faire un message de... Steve, alors, avant de faire passer le message, est-ce que tu peux, s'il te plaît, monter sur l'armoire de ta chambre pour qu'on ait du réseau? Puisque visiblement, à Annecy, ça galère un peu. On va essayer de mieux te capter, là, hors antenne. On va voir avec Aurélien du Standard qui me regarde en se disant faut que tu fasses quelque chose. Rien, c'est toi le standardiste. Steve et Katia, donc, bon. C'est mère et fille. Ils sont très, très proches. Ils partagent beaucoup de choses. Mais il y a un truc qu'il voudrait partager avec sa maman, c'est son rêve. Il croit que Steve ne sait pas quel métier, ou plutôt elle croit, veut faire. Mais en fait, il rêve de devenir animateur radio. Tout à fait. Ça fait un an que c'est sa passion. Et il l'a réalisé en écoutant, ben en écoutant Fun Radio. Hein. C'est bien ça, Steve ? Oui. D'accord. Donc, tu es fan de Fun Radio et du coup, tu dis, tiens, je voudrais en faire mon métier. Oui, tout à fait. Tu sais que c'est pas un truc facile. Non, mais il n'y a pas de vanne quand je dis ça. Non, c'est pas un truc facile, mais pour le coup, il a raison d'y croire. Parce que nous, on a tous commencé comme ça. Il faut y croire, bien sûr. Mais oui. Après, c'est pas un délire où du jour au lendemain, tu te retrouves pas propulsé sur le morning du Grosse Radio. Dur. Ah non, faut en servir des cafés. Hein. Et puis, pas que des cafés, faut donner de sa personne. Il faut promettre de pas porter plainte derrière, de pas prendre de photos. N'importe c'est, quoi. C'est très compliqué. Bon, Steve, déjà, lancer la discussion avec ta maman, ça me paraît être une bonne idée. C'est ce qu'on va tenter de faire en direct pour toi ce matin, d'accord ? Et puis, une fois qu'on aura lancé la discussion, on va voir comment ça va se passer. Alors, Amélie vient de me faire passer un papier en disant que ta mère est sur répondeur, c'est ça ? Oui. Mais elle est avec toi dans la maison. Si on te demande d'aller la voir, de sortir de la pièce où tu te trouves et de lui donner ton téléphone, c'est possible ou pas ? Hein ? D'accord, ok. Bah, va voir ta maman. C'est plus simple. Dis, tiens, ouais, ce sera plus simple. Voilà. En espérant qu'il y ait du réseau dans la cuisine, hein, du coup. En espérant surtout qu'il habite pas dans un château. Tu vois, qu'il met pas 27 minutes. Tiens, maman. Allô ? Allô, oui ? Oui, bonjour, Katia ? Oui, bonjour. Bonjour, Katia. Je m'appelle Bruno Guillon. Je suis le monsieur dans la radio qui parle le matin et qui écoute ton fils quand il se réveille. Peut-être que tu me connais. Je me permets de te tutoyer, Katia. Je suis un peu plus. Oui, il n'y a pas de souci. Un peu plus vieux que toi. Katia, si t'es là ce matin, c'est que il a un message à te faire passer, Steve. Il sait pas comment te le dire. Donc d'accord. Du coup, nous, on a écrit une chanson. On te fait passer le message. Tu l'écoutes. On en parle après. D'accord ? D'accord. Et du coup, Steve est reparti dans sa chambre, se cacher sous son lit. Non, il est pas loin. Je le vois. Bon, écoute les paroles. C'est parti. Maman, j'ai un rêve, mais bon, je ne sais pas si ça va te faire plaisir. J'ai enfin trouvé ma voix, si ça peut te mettre à l'aise. Parce que comme Bruno, je veux devenir animateur radio. Comme ça, je pourrais avoir une vie super showbiz. Showbiz. Je pourrais prendre la drogue à ma guise. Et puis j'aurai les poches remplies de pépettes. Et toutes les meufs voudront voir ma kékou. Excusez-moi, c'est vaché, c'est des clichés tout ça. Arrêtez maintenant. Bon, je vous laisse, je vais me rouler un pétard. Bon, comme Bruno, je veux devenir animateur radio. Pour me coucher juste après la météo. Pouvoir être à la cool et comme lui avoir un jardin avec des poules. J'aimerais un jour avoir la chance de parler à toute la France. Mais pour ça j'ai besoin du soutien de ma mère. Alors si tu pouvais être pour, ça serait super. Bon, alors Katia, tu l'as compris, au début de la chanson, ils sont dans les clichés parce que souvent les gens se disent oui, animateur radio, c'est showbiz, drogue et compagnie. Puis après, on dit la vérité de ce qu'est vraiment la vie d'un animateur radio. Tu as vraiment des poules, Bruno, et tu te couches vraiment après la météo. Voilà. Katia. Oui. Non, mais je me retrouve dans l'exercice en fait dans lequel j'étais quand j'avais l'âge de Steve et que j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire animateur radio plus tard. Katia. Oui. Bon. T'en penses quoi ? Je n'ai rien contre, hein, personnellement. Après, si c'est vraiment ça lui plaît, pourquoi pas. Hein, mais je te sens super ému, Katia. Un peu, oui, parce que du coup, il m'a fait une petite entourloupe de me faire croire des choses et voilà quoi. Mais alors, il t'a fait faire croire, c'est quoi ? Il t'a fait croire quoi ? Ouais, c'est un petit malin. Je voulais te faire passer le message. Alors après, Katia, soyons clairs. Et c'est un message que je vais faire passer à tous ceux qui nous écoutent le matin et qui se disent, putain, oui, faire de la radio, c'est génial. Oui, faire de la radio, c'est génial. C'est mon rêve de gamin. Je fais ça depuis que j'ai 12 ans et demi. J'en ai 45 aujourd'hui. Et Dieu sait que je ne remercierai jamais assez le bon Dieu si jamais il existe. Et quelle que soit sa religion, qu'il soit barbu, avec des trous dans les mains, qu'il marche sur l'eau, etc., je m'en fous. Non seulement il existe, mais il aimerait que tu lui payes sa facture, quand même, en remerciement. Mais de me donner la vie que j'ai au quotidien, j'ai la chance de faire un boulot où je me lève le matin à 3h30 en me disant « chouette, je vais bosser ». Mais ça n'est pas un métier facile, comme tous les métiers d'ailleurs. Il y a beaucoup d'enculerie, mais à l'arrivée, c'est un kiff. Moi, ce que je te demande, Katia, mais je crois que t'es une mère cool. C'est que s'il a envie de le faire, faut le soutenir en lui rappelant quand même que il faut prévoir ses arrières quand même, donc être un peu sur ses études et tout ça. D'accord, Katia? Oui, oui, tout à fait. Après, bah, je ne sais pas quelle voie il faut qu'il prenne. Ça, c'est le seul quoi. Quoi qu'il arrive, faut passer le bac. Tiens, j'arrête de rigoler deux secondes. Et quoi surtout, qu'il arrive. Il faut faire des stages. C'est comme ça que tu découvres et ça marche pour tous les métiers. Tu sais quoi, Katia? On va faire un truc. Oui. Il va avoir un stage de troisième à faire. Oui. Il vient le faire chez moi. Chez Bruno, chez lui. Hein. Il va le coucher, il va lui servir des cafés. Non, non, mais il vient le faire à la radio. Vous avez de la famille sur Paris ou pas? Malheureusement, non, c'est le seul couac. Eh ben, moi, je m'engage à ce qu'il puisse dormir chez Elliot. Non, non, non. Katia. Tu pourrais l'accompagner si tu prends une semaine de vacances? Faut que je voie avec les employeurs, parce que moi, j'en ai plusieurs, mais ça risque d'être un peu chaud. Katia, on réfléchit un truc. Je te reprends en direct dans 3 minutes avec Steve, d'accord? D'accord. Tu bouges pas, ma chère. Il y a un papa ou pas? Non. Il n'y a pas de papa, oui. Donc bon, on va essayer de gérer. On va trouver une solution. Gérer, on va lui payer l'hôtel, un truc, quoi, tu vois. Il est trop jeune pour aller. Ça se fait, mais il faut que sa maman soit là. Bon, on gère le truc, on revient en direct sur Fun Radio juste après ça. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Bon, les enfants, rangez les pelles et les seaux. Chérie, on plie les bagages. Les vacances, c'est fini. Et oui, il y a des rentrées qui donnent envie de rentrer. Avec Cdiscount, soyez remboursés jusqu'à 100% sur vos achats du 29 août au 14 septembre sur plus de 400 000 articles. Cdiscount, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Offre sur une sélection de produits. Conditions complètes de l'offre sur Cdiscount. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Vous avez fait quelque chose à vos cheveux, vous êtes beau aujourd'hui. Oh, merci Michel, c'est pour l'opération beauté, ça commence aujourd'hui chez Carrefour Market avec plein de promos. Des promos de toute beauté. Oui, c'est l'occasion d'en profiter. Jusqu'au 18 septembre, pour deux flacons de shampoing Elsève achetés, le troisième est gratuit. Oh bah décidément, vous êtes beau, intelligent, attentionné et frisé. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Flacon de 250 ml, panachage possible, disponible dans les drives Carrefour Market. Modalité et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio, je like. Fun Radio. Le son dance floor. Run away. Run away. Destroy. Wake up. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais. 6h-9h on Fun Radio. C'est mardi, c'est le 6 septembre. Merci d'écouter Fun Radio. Justin Bieber, Digisnake. C'est le titre, Let Me Love You. Mais je voudrais vite fait qu'on nous revenions sur la chanson du jour. Steve donc annonçait à sa maman qu'il voulait faire animateur radio plus tard. J'ai joué le daron, je suis désolé. Mais t'as raison. Non, c'est vrai. Hein. J'ai joué le daron en disant, parce que les gens qui veulent faire de la radio, ils se calent sur les gens qu'ils écoutent le matin. Alors par exemple, que ce soit moi, que ce soit mon pote Manu sur Energy, Camille sur Virgin, D-Fool sur Skyrock, les gens se disent putain je voudrais faire ça. Il faut savoir que quand tu veux être animateur de radio, avant d'arriver à ces postes-là qui sont des gros postes sur des grosses radios, tu galères à faire les nuits, à faire mille trucs, à photocopier des cafés et tout ça. Bah oui, ce que j'ai fait pendant 1000 ans. De toute façon, je le dis toujours, mais je crois qu'on a tous réussi comme ça. Le premier truc, c'est le travail. Ça, c'est impératif. Le deuxième truc, c'est du talent, un petit peu quand même. Ouais, ça et aide. Le troisième truc, c'est de la chance. Pardon, je t'arrête. Il n'y a pas besoin de talent. Dis pas de conneries, j'en ai mais pas. Mais si, c'est croiser les bonnes personnes au bon moment. Ouais. Souvent, ça démarre comme ça. Bon, Steve. Oui. Moi, je suis touché par ton histoire parce que voilà, je te dis, j'ai commencé la radio, j'avais à peine 13 ans. Et moi, ça me parle, ton histoire. Steve, je veux bien te prendre en stage chez Bruno dans la radio pendant une semaine. Cool, merci. Ce que je propose en plus, c'est de vous payer le voyage à toi et à ta mère et l'hébergement à Paris pour que tu puisses venir à la radio le matin. On te prend un hôtel à côté, d'accord, et on s'occupe de tout. Ok. Maintenant, Katia, il faut que tu gères de ton côté avec tes employeurs. Toi, tu pourras aller faire du shopping la journée, etc. Et nous, on garde Steve, parce qu'il y a l'émission de radio entre 6h et 9h, mais après, on bosse des fois jusqu'à 15-16h. D'accord ? D'accord. Bah, et je peux pas faire plus, ouais. Katia. Ah ouais, non, mais c'est génial ce que vous faites un heureux, là, franchement. Voilà. Tu vois, je t'aurais pu te dire, hop, on va l'héberger chez nous, mais enfin, tu vois, des histoires d'animateurs radio qui hébergent des gens de moins de 18 ans, on sait ce que ça donne. C'est pas nous, c'est Catherine. Comprendra qui pourra. Katia, bah maintenant, c'est à toi de t'arranger pour poser des congés et tu reviens vers nous, mais en tout cas, voilà, moi, je m'engage de mon côté et Steve sera avec nous pour qu'il voit un peu dans les coulisses comment ça se passe, d'accord? D'accord, bah, c'est super. Merci beaucoup à toute l'équipe, parce que franchement, c'est un super cadeau que vous faites à Steve. Bon, Steve ? Oui ? Tu bosses à l'école, hein ? Oui. C'est important. Rendez-vous le 5 décembre. Tout à fait. Ciao, Steve. Eh ben voilà, Bruno. Eh ben voilà, il faut gérer maintenant les billets. Et le stage d'Eliott, il se finit quand ? Ça fait un petit moment. Bonne question. Bonjour, Yanis ! Salut Yanis, l'équipe. T'es en fac ? Non, je suis en BTS moi. BTS de quoi ? BTS de conception de produits industriels. D'accord, t'as eu ton stage, ta soirée d'intégration, c'était quand ? Ouais, c'est ça, la semaine dernière. La semaine dernière. Bon, tu vas nous en parler parce que soirée d'intégration, là du coup, moi je sais pas ce que c'est. Hein. Parce que moi j'ai directement sauté du bac à la radio. Soirée d'intégration, et je peux dire que l'intégration à la radio, elle a été compliquée. Vraiment. Ben on va en parler avec toi, Yanis, dans quelques secondes. Le temps d'écouter Justin Bieber et DJ Snake sur Fun Radio. Salut, c'est DJ Snake. Le matin, on se réveille avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up. brioche ou croissant, nouvelle rubrique qu'on a lancée là dans l'émission. C'est Jessica des Marseillais qui va répondre à brioche ou croissant là dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Yanis, il a eu sa soirée d'intégration la semaine dernière. Soirée d'intégration, c'est souvent quand tu rentres en fac, etc. Des fois, il y a des bizutages, je crois. Yanis, t'as été bizuté ou pas? Non, un petit peu, ouais. Un petit peu, par la deuxième année, ouais. Et c'était quoi ton bizutage? Des fois, c'est chelou, hein, c'est glauque. Hein. Non, voilà, ça c'était cool encore. C'était des... On pouvait faire des petites épreuves avec des cours, on savait boire des œufs, des conneries dans le genre. Non, ça va, c'est cool. Ouais, parce que des fois, c'est un peu, ça c'est va un loin, peu violent. Ouais. Et t'as eu quoi d'autre alors pour cette soirée d'intégration? Il s'est passé quoi? Alors, oui, mais un petit truc sympa, c'est qu'en fait, bah, avec les deuxième année, parce que moi je suis en première année, bah, on a bu, ils nous ont fait boire, et puis du coup, bah, moi et mon coloc, on était bien raides. Et, au moment, à la fin de la soirée, quand il fallait rentrer, chez nous, et bah, en fait, on s'était perdu. Et le truc, c'est qu'en fait, on est rentré dans le lycée, et, en fait, bon, on s'est endormi dans un buisson. Du lycée. Oh, le réveil, il a dû être hard. Dis donc, bah, le réveil, en fait, il s'est fait par un veilleur de nuit vers 6-7 heures du matin, donc c'était, assez épique. J'ai l'impression que tu l'attaques bien cette rentrée, Yanis. Ouais, bah, faut bien. Ça sent la grosse, grosse rentrée scolaire. Je t'embrasse, mon pote. Je fais juste une petite dédicace à ma famille et à toute ma classe des CPI 1. Et à monsieur Romain Berthaud. Oula, il est encore bourré, hein. Une petite dédicace. Vas-y, bah, fais un rototo. Ah, donc on se dit que t'as fait un vrai rototo, là. Ah non, je les imite très bien. Ah bah écoute, ça, je te confirme. Je peux les faire. Non, c'est des faux. Attention, c'est le bruit. Genre. Non, ça ne sort pas. C'est non, horrible. Parce que vous pensez que je vais aller chercher loin. Mais même, je peux parler comme ça. Tu vois, c'est juste de l'imitation. Je fais. C'est du faux. Je peux le faire à l'infini. C'est bon, on a compris. Ouais. Voilà. Le JPI. Bah, déjà qu'il y a le JPI, pour peu qu'il y ait du prout dans le JPI, ouais, je pense que les gens qui viennent de nous rejoindre juste à l'instant se diront, écoute, c'est la radio de mon année, vraiment. C'est l'imitation. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Evelyne. Ma mère s'appelle Nathalie. Quel rapport? Aucun. Et pour commencer, télévision, hier c'était la première de Touche pas à mon poste. Et après 3h30 de présentation des 2500 chroniqueurs, l'émission a enfin pu commencer. Politique, c'est fait la une ce matin. Le parquet de Paris a demandé le renvoi de Nicolas Sarkozy en correctionnel dans le cadre de l'affaire Big Malion. Et avec le nombre de casseroles qu'il a au cul, c'est pas candidat à la présidentielle qui devrait faire, mais candidat à Top Chef. Ce soir, l'équipe de France de football affronte la Biélorussie pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oh là, c'est une catastrophe, hein. C'est une véritable hécatombe. Bah, qu'est-ce qui se passe, Anthony ? Vous êtes dans le vestiaire de l'équipe de France ? Il y a des joueurs blessés pour le match de ce soir ? Non, je suis dans la bouche de Didier Deschamps. Pas eu le temps pour attraper l'autre, c'est terrible. Ouais, ne restez pas trop longtemps, Anthony, on ne sait jamais. Et pour finir, bon à savoir, quand Maître Gims pète, il chante « Ça pue comme jamais ». Ah, il nous montait ça, bien sûr. Ça pue comme jamais, ça pue comme jamais, ça pue comme jamais, ça pue comme jamais, ça pue comme jamais. Chelou le parfum, chelou le parfum, chelou. Ça suffit. Allez, foutez-moi le temps. Voilà. Et je pense aux nouveaux auditeurs de Fun Radio qui sont arrivés cette semaine parce qu'ils en ont peut-être marre de ce qu'ils écoutaient avant. Puis arrivés au lycée, au collège ou au boulot, on leur a dit « Mais essaye Fun Radio !» Et puis là, ils étaient là depuis une demi-heure, ils essaient pas mal et boum, là, en l'espace de 5 minutes, un festival. Willy Williams, ça va arriver avec Chris Cab et Martin Solveig. Do it right. 8h10. Je paye de la facture sur Fun Radio. À tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. The Parakeet. Hey, it's Martin Garrix on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Électro, dépôt. Quand c'est pas cher, on entend. À ce prix-là, c'est louche. Chez Electrodépôt, c'est plutôt. Alors là, j'achète. Chez Electrodépôt, nous négocions des stocks énormes pour vous proposer des prix bas tous les jours. Electrodépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Electrodépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bayure. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bayure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Bayure. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course, gagne notre liberté. Demain au cinéma. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces, moi. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à deux fois moins cher. Je me lance. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, wow. Au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, oui. Dont YouTube, oui. Et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. T'sais. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bougez pas, Bruno. Je tiens à dire, mais on va dire que je me la pète, mais je ne me la pète pas, que je suis pour l'instant le maître du jeu des 30 secondes. Tu te la pètes. J'ai une victoire à mon actif. Vais-je garder mon titre? Réponse tout à l'heure, 8h30, 32-28, vous appelez maintenant et vous gagnez un overboard dans le jeu des 30 secondes ce matin. On radio. Le son. Fla. Vous écoutez Fun Radio, bienvenue, première radio dancefloor de France, les infos en deux minutes avec Maxime Poulaouec, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous, la météo de ce mardi 6 septembre, du soleil pour quasiment tout le monde aujourd'hui, seules les régions les plus au nord resteront sous les nuages entre la région parisienne et les Hauts-de-France. Il fait 14 à 18 degrés ce matin, dans l'après-midi prévoyez 22 à Cherbourg, 25 à Paris et Reims, 27 à Lyon, 29 à Limoges et 32 à Bordeaux. De nouveaux règlements de compte à Marseille, deux hommes ont été tués par balle hier soir dans un bar du 2e arrondissement. Ils avaient 40 et 59 ans. Les faits se sont produits à seulement 200 mètres du commissariat central et devant une cinquantaine de témoins. Il s'agit des 25 et 26e meurtres de ce type depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône. Jérôme Cahuzac mouille Michel Rocard, l'ex-ministre du budget, comparaît depuis hier devant la justice pour blanchiment et fraude fiscale. Il a déclaré avoir ouvert un compte en Suisse au début des années 90 pour financer un destin national à l'ancien Premier ministre. Michel Rocard, décédé il y a deux mois, n'est plus là pour se défendre. Les conditions s'améliorent dans le sud. Le feu qui a ravagé 380 hectares de forêt depuis hier soir à Marseille est en voie d'être maîtrisé ce matin. Les pompiers assurent que l'incendie n'a fait ni victimes ni dégâts sur les habitations. Les vols des avions bombardiers reprennent. En tout, 800 soldats du feu sont déployés à Marseille, mais aussi dans l'Aude et le Tarn, proie des flammes ces dernières heures. En football, la France fait son retour en compétition officielle. Les Bleus joueront en Biélorussie ce soir à 20h45, le premier match des qualifications pour le Mondial 2018. Griezmann et Giroud joueront en attaque pour une formation en 4-4-2. Le tennis, trois Français seront en lice ce soir et cette nuit pour les quarts de finale de l'US Open à New York. Lucas Pouille contre Gaël Monfils, ce sera à 20h. Puis Joe Wilfried Tsonga contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic à 3h du matin. 8h04, bon réveil avec Bruno dans la radio. Fun Radio. 8h05, c'est Fun Radio. Vous écoutez, nous sommes mardi aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre. Bonjour! Bonjour! Fun Radio, le son Dance Floor, c'est Willy William qui va arriver là dans quelques secondes. Paris, nouveau single de Willy William avec Chris Cab et Martin Solveig avant l'ennemi. Do it right. 8h10, je vais payer de la facture. 8h30, il y aura le jeu des 30 secondes. Je le redis, je suis pour l'instant le champion du jeu des 30 secondes. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, oui. Et je voudrais saluer une entreprise qui nous a fait passer ça hier. Christina va me redonner l'adresse de cette entreprise qui nous a envoyé le trophée des champions du jeu des 30 secondes. C'est un véritable trophée sérigraphié, d'accord. Alors, bon, on pourrait croire à l'image que c'est du cristal, mais en fait, c'est en plastique, hein, mais c'est très, très joli, plastique dur, en forme d'étoile, et dessus, il y a marqué trophée du champion. Donc, pour l'instant, c'est moi qui l'ai un peu cassé. Putain, et pourquoi moi, la semaine dernière, quand j'étais champion, il n'existait pas le trophée? Parce que je crois que ça sonnait pas vraiment champion. C'était de l'entraînement. Avec moi, on sent qu'on est sur du championnat, quoi. Y a du pachy. Tout cas, merci à France Gravure Trophée et à Julien et Xavier qui nous ont envoyé ça. Ils habitent à Bourgoin-Jallieu. Et ben, ça fait très plaisir. On a reçu le truc, on était comme des oufs. Donc voilà, je le pose pour l'instant à côté de moi, à côté de mon micro. Super. J'ai le trophée du champion. Qui va tenter de me battre dans le jeu des 30 secondes? Réponse tout à l'heure, c'est vous qui allez choisir au 32-28. On vous offre ce matin un overboard. Il y a Christina qui est là ce matin. T'as eu une victoire toi pour l'instant? Non, hein. Non, jamais. Je suis la seule à ne pas avoir eu encore de victoire. Bah, et ça peut changer aujourd'hui, appelez-nous au 32-28, choisissez-moi. Ouais, peut-être que vous allez choisir Christina, peut-être que vous allez rechoisir Vacher, c'est possible. Ah, moi, il faut que je me repose maintenant. J'ai eu 4 victoires d'affilée, je le rappelle. C'est exceptionnel cette année en radio, je suis le seul à l'avoir fait. Et je crois que ça mérite bien un petit peu de congé. Ça fait qu'une semaine qu'on a fait cette émission. Elliot, il a eu une victoire aussi. Oui, mais j'ai commencé par gagner le premier jour. C'est vrai. Et après, plus rien. J'ai arrêté de jouer, je ne joue plus. Donc j'aimerais bien jouer aujourd'hui, parce que ça fait à peu près 7 ans que je n'ai pas joué. Donc j'aimerais bien. C'est un peu le résumé de ta vie en radio. De quoi? T'as commencé à travailler le premier jour. Ouais, j'attaque fort. Où t'es arrivé avec mon radio, puis depuis, plus rien. C'est vrai. Mais j'aurais dû attaquer moins fort finalement. C'est ça, peut-être. Alors, Jessica des Marseillais, c'est laquelle? Est-ce que c'est la brune avec les lèvres de canard? Non, c'est une blonde. Ah, est-ce que c'est une blonde avec des seins comme des obus? C'est ça. C'est bon, je vois qui c'est. Et donc, elle est dans les Marseillais et les ch'tis versus le reste du monde. Mais pourquoi ils ont mis le vert? Le vert? J'attends que la vanne arrive à tout le monde. Voilà, Meryl l'a eu en premier dans l'équipe. C'est quoi? Voilà. Pas compris. On refait, alors, hop, redis le nom de l'émission. Les Marseillais et les ch'tis versus... le reste du monde. Voilà, et donc je refais cette vanne. Pourquoi ils ont mis le vert? En attendant que tout le monde comprenne ici. D'accord. Je propose qu'on reste assis. Alors moi je l'ai, mais Elliot, ça peut prendre du temps. Elliot là. Non, j'ai compris. Ouais. Tu l'as, ça y est? Oui, c'est bon. Ouais. T'es sûr? Je vois où est l'humour. Oui. Alors c'est où? Bah, c'est que les Marseillais et les ch'tis, ouais, ils sont en plus du reste du monde. Mais ouais. Non, mais t'as pas compris. Alors, je refais cette vanne qui n'est pas du meilleur goût, je vous le concède. Redonne le titre de l'émission. Les Marseillais et les Ch'tis versus le reste du monde. On peut enlever le vert. Ah, c'est une valse sexuelle. Voilà. D'accord. Et donc c'est Jessica des Marseillais qui répond ce matin à brioche ou croissant. Brioche ou croissant? Go. Mais croissant, parce que les brioches j'aime pas. C'est boursouflé, c'est gros, c'est moche. Soit à l'élastique ou soit en parachute. Bah, l'élastique, t'as qu'à faire sauter la tête la première. Or ou argent? Or rose. Avec ou sans chantilly? Bah avec chantilly, j'aime trop la chantilly. David Guetta ou Claude François? Bah Guetta, même si c'est une grande clo-clo, mais bon. Cuisse de poulet ou cuisse de canard? Ah non, de poulet. Eau du robinet ou en bouteille? Bah en bouteille, Lévian précisément, je la trouve plus épaisse quand tu la bois. Salade de fruits ou fondant au chocolat? Salade de fruits, ah non j'ai pas de chocolat, salade de fruits. Tour de Grande Roue ou Space Mountain? Space Mountain. Striptease ou gentille fille? Moi je suis une gentille fille. Oh, j'ai pas de chocolat. Rappelez-moi le prénom de la personne. Jessica. Jessica, est-ce que on peut réécouter, s'il vous plaît, le rire de Jessica? Elle a un rire fantastique, très féminin. Voilà. Non, je suis coupé la musique vraiment. C'est son rire ça? Les amis. C'est quoi? On pourrait faire une émission là tout de suite. Rendez-vous en terre inconnue dans le cerveau de Jessica des Marseillais. Rentrez. Rentrez, venez avec moi, n'ayez pas peur, rentrez. Waouh! Il y a grand. De la place! Ah oui! C'est spacieux ou pas? Et là, monsieur Plaza, vous n'êtes pas foutu de notre gueule! Ah bah, au-delà, souffle un plafond, il y a 3 mètres. C'est-à-dire que normalement, ici, il faut imaginer qu'un cerveau. Mais il est où le cerveau? Alors, mais justement, on ne l'a pas mis. Ah, d'accord, d'accord. On a tout misé sur les seins et puis on a vidé l'intérieur, donc voilà. D'accord. Vous pouvez vous installer ici, si vous voulez. Le chouette. On peut mettre un beau meuble, hein, vraiment, un gros truc. Hein, ici, hein. Et là, vous pouvez garer un véhicule. Ou dans son cul. Allez, voici Willy William. Mais hey, comme Fred Rucker, on l'embrasse. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là, là, là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante, la, la, la, la, la, la. Parce que moi, je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Paris, Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Ram, pa, pa, pam, ram, pa, pa, pam, pam. C'était pas mal, ma chérie. En fait, pour vous dire la vérité, pardon. Excusez-moi, monsieur William. Pour vous dire la vérité, j'ai toujours rêvé d'être rappeur. Rappeur. Mais j'ai pas forcément le physique qui va avec, quoi. C'est vrai que le jeu balade dans Montauban fonctionnait moins. Mais c'est je très me balade dans Montauban. On pourrait le faire. Non, mais t'as un flow quand même. Merci. Toi, t'as un bon boule. Si on reste dans les compliments, tu vois. Martin Solveig. Fonf qui réalise cette émission, oui. C'est lui qui gère la musique, c'est lui qui est en liaison directe avec le patron de Fun Radio. Est-ce que je peux te demander une faveur? Ça dépend quoi? Alors, non, c'est pas ce que tu penses. Ah ouais. Eh mince. J'ai entendu ce matin, avant notre émission, un morceau qui passe sur Fun Radio depuis cet été. Et je pense que non, on le passe pas le matin parce que c'est un peu trop violent. Je sais que des fois, ils veulent pas mettre des disques trop violents dans Bruno dans la radio parce qu'il y a des gens qui se réveillent et que. Mais il y a un morceau, moi, quand même. C'est quoi? On va demander aux auditeurs de Fun Radio. Hashtag Bruno Fun Radio. C'est le dernier Hardwell avec WW. Vous avez entendu ce truc? Ah ou ouais, pas? C'est énorme. Alors, c'est attention, bien. Ça tape. Hein. C'est-à-dire que si tu te réveilles et que t'as un peu la tête dans le cul, ah bah là, c'est-à-dire que, et d'une, ça te l'enlève et de deux, ça t'envoie en orbite autour de la Lune. C'est ça. Et je crois qu'il y a Lil Jon qui rappe sur le titre. J'adore ce son. Mais tu mets quand même le Martin Solveig, Andy. Ah oui, non, je le mets, je le mets. Vous l'avez déjà entendu ce truc ou pas? Ah oui, c'est trop bien. Pam, pam, pam, pam. On va peut-être vous le passer avant les heures du matin. C'est pas un titre qui se chante, Elliot. C'est ça. Un cadavre qui fait. C'est relou. Luzman, Luzman, c'est notre standardiste. Tu as quel âge, Luzman? 23 ans. 23 ans. Tu sais que chez McDo, passer normalement, 12 ans, on prend plus le Happy Meal pour avoir la surprise, tu le sais, bah ça. Bah oui, mais c'était Mario. Et je veux Mario, moi. C'est trop bien. C'est le jouet dans les Happy Meal en ce moment. Ouais. Tu nous disais tout à l'heure en antenne, il est allé bouffer chez Domax ce week-end et il a pris le Happy Meal parce qu'il voulait la surprise. Oh, c'est tellement mignon. Oui. Mais c'est vrai, c'est bien. Moi, tu la prenais pas après quand tu grandissais, tu prenais un menu Big Mac pour faire adulte, mais t'achetais la surprise en plus. Non, moi ce que je fais dans les trucs, tu vois que tu fais petit mais que tu continues à faire grand, je l'ai fait il y a deux semaines, je crois. Et je me suis fait un tatouage de Malabar. Ah, ça aussi c'est chou. Mais alors, du coup, en fait, le tatouage Malabar c'est marrant la première journée, mais dès le deuxième jour, on a l'impression que t'es crade en fait. Ouais, mais c'est pas grave. Ça faisait plaisir à mon fils. Tu vois, tatouage Malabar, je trouvais ça joli. Moi hier, j'ai dormi avec la porte ouverte, avec la lumière, parce que j'ai toujours un peu peur du noir. Oh, c'est gentil. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vrai. Tu sais quoi, on peut lancer un sujet là-dessus. Les trucs voilà, que vous faisiez petit, vous continuez. C'est genre, on peut même lancer, je sais pas, en mode hashtag je suis grand mais. Ah. Hashtag je suis grand mais vous continuez la phrase. Ouais, moi je suis grand mais voilà, je peux me faire le tatouage du Malabar. Bah je suis grande mais moi je me cache encore les yeux quand je regarde un film d'horreur par exemple. Moi je suis grand mais j'aime bien les chewing-gum boules, tu sais, qui est encore dans les distributeurs. Ah, c'est oui, de plus en plus rare. C'est des grosses boules et souvent j'en prends 3-4 et je les prends en même temps, comme ça j'ai un chewing-gum géant. Moi je suis grand mais j'aime bien regarder sur France 3 dans mon lit le samedi matin Scooby-Doo. Oh. Ah bon. Moi je suis grand mais je fais toujours pipi au lit. Ah. Merci. Okay. Alors, ben, sinon vous pouvez continuer et on va faire ça. Tiens, juste avant 8h30. Hashtag voilà, je suis grand, mais pour l'instant je paye de la facture. Bruno, allô, paye vos factures avec Sam, le conducteur désigné. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard pour payer de la facture. Ça n'est pas grave. Nous allons payer quand même comme on le fait chaque matin. Vous avez de la facture à vous faire payer, vous me la faites parvenir par mail ou par courrier. Et particulièrement cette semaine à 8h10, donc on est associé à la sécurité routière. Donc ce sont des factures de plein d'essence, de taxi, de billets de train ou de chambre d'hôtel. Et donc Bruno vous le disait, vous les envoyez soit à facture@funradio.fr ou bien par courrier. C'est à Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008 Paris. Et si on vous rappelle en direct le matin. La facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. Oui, allô? Allô, Laetitia? Oui? Bonjour, Laetitia. Bonjour. Laetitia, qui est le seul animateur radio qui paye tes factures. Bruno dans la radio! Oh oh oh. Bravo! Oui, merci. Bonjour Laetitia. Oh, t'as l'air toute contente, ça fait plaisir. Oui, parce que je les adore et voilà. Et bah tu sais quoi, je suis content que ça soit tombé sur toi alors ma belle. Tu as quel âge, tu fais quoi dans la vie du côté de Châtel? J'ai 24 ans et je suis nounou. Assistante maternelle donc. Voilà. À domicile? Oui, chez moi. D'accord, ils s'appellent comment les garçons ou les filles que tu gardes? Hugo et Constance. Ah, t'as l'air de moins l'aimer, la deuxième. Comment elle s'appelle, là, qui chiale tout le temps, là, que je suis obligée d'enfermer dans la cave Constance. Bon, non, c'est venir... la rentrée, je l'ai. Oui, je comprends. Non, mais attention, on n'est pas en train de te juger. Hein. Il y avait tout. Moi, tu sais, c'est pareil. Des fois, dans l'équipe, il y a des gens, j'oublie les noms. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'est parce que je vieillis, c'est Alzheimer. Laetitia, 112 euros, c'est quoi cette facture? C'est une facture de taxi entre Poitiers et Châtellerault. Pourquoi? Bah, j'étais partie à l'anniversaire d'une amie et du coup j'ai préféré rentrer en taxi. Ah, parce que tu pouvais comme ça du coup profiter un peu et boire un peu d'alcool. Exactement. Eh bien tu sais quoi, tu as été fort judicieuse et je te paye cette facture de 112 euros de taxi. D'accord ma belle? Merci. Et bah, de rien, je te fais des bisous. Gros bisous à vous, vous êtes géniaux. Ciao, ciao. Bisous. Laetitia. Bon, Martin Solveig, chose promise, chose due, ça arrive. All right. All night. À tout de suite. Ouais, merci. Ouais. Ce soir, 20h, 22h, c'est Love in Fun avec Doc, Karel et Alice. Ça va, Jimmy? Le mission te plaît? Tout se passe bien? Oui, juste attention, Karel, sur ta voix, là, ça va trop haut. Je pousse un peu trop. Non, je pense que c'est juste que t'as pas mué non plus. Il y a 22h. The Night Show! C'est le Night

Sérieusement, il y a une casse qui vous manque, quoi. Bruno dans la radio. 6h-9h. Hashtag je suis grand mais voilà, il y a des trucs qu'on continue à faire en vieillissant, mais il faut les assumer. Voilà, je disais moi en antenne et je l'ai mis sur Twitter, je suis grand mais je fais toujours un volcan dans ma purée pour mettre la sauce dedans. Comme dans la pub de la purée mousseline. Bah, moi comme toutes les petites filles, je suis grande mais je fais encore des tourbillons avec mes cheveux. Mais bien sûr. Il y en a qui appellent ça des roux doudou. Des roues doudou avec non, les non, cheveux. Personne n'appelle, parce que t'es un peu bizarre. On va enchaîner, ouais. Moi, je suis grand, mais je continue à souffler si on me demande de débarrasser la table. vraiment, ça me fait chier. Oui, Elliot. Moi, je suis grand, mais je fais toujours des gros câlins d'amour à ma maman. Ah, c'est mignon. Ouais, sauf qu'il faut garder son slip, Elliot. Con vaché, pardon. Il te l'a dit, le juge. Mais je l'aime pas comme ça, ma maman. Même parce que c'est ma mère. Mais à propos de maman, il y en a un qui est arrivé quand même sur Twitter. Donc, c'est Flavien Dubuche qui dit « Je suis grand, mais j'appelle toujours ma mère quand j'ai fini aux toilettes. Ouais, » Ok, c'est un peu angoissant. On enchaîne. C'est gênant. Bizarre. C'est gênant. Zoé est à Rouen. Bonjour Zoé. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Coucou. 27 ans, t'es grande. Oui, je suis grande, mais je continue à vouloir faire la balançoire, même si mon cul a du mal à passer. Ouais, tu sais quoi, je peux comprendre. Moi aussi, la balançoire, c'est mon délire. La balançoire, j'aime bien ça. En fait, ce qui est vexant, c'est quand tu commences à te balancer sur une balançoire qui n'est pas fixée, tu vois, et les tubes en métal commencent à se soulever, et tu fais tomber toute la structure métallique, ouais, parce que t'es trop lourd. Et là, tu dis merde. C'est vrai. Non, tu sais quoi, moi, sur les portiques qu'il y a pour les enfants, donc il y a la balançoire, bon, tu peux peu ou prou monter dessus. Mais c'est surtout le truc où on est l'un en face de l'autre, là, tu sais, là où... Ah oui, la balançoire. Tu mutuellement, ouais. Exactement. Et ça, je peux plus. Et ça, je suis très jaloux des enfants. Ah ça, bon c'est la balancelle. Il paraît qu'Eliott en a fait avec un enfant, on n'a jamais retrouvé l'enfant. Écoute, alors moi, on la me pute. Dit qu'il est en orbite autour de la Lune. Et il fait bip bip à chaque fois qu'il passe devant la Terre pour nous faire signe. Zoé, je te fais des bisous, ma chérie. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Nicolas, il est à Charleville-Mézières, il a 28 ans. Bonjour, Nicolas. Il est plus là. Aurélia à Lorient. Bonjour Aurélia. Bonjour la famille. T'es grande ? T'as 31 ans ? Oui, alors moi je suis grande, mais je me fais encore des tartines de chocolat beurre au micro-ondes. Ouf. Waouh. Ouais. Et donc, t'en es où sur ton régime, Aurélia ? Alors, comment te dire ? On n'est pas très copains, le régime et moi, en fait. Mais cela dit, chocolat beurre, ça donne envie, hein, vraiment. Ouais. Ah ouais. Je te fais des bisous, ma chérie. Moi, je suis grand, mais je joue toujours avec la girafe Sophie. On me l'a offert pour mon anniversaire et donc du coup j'aime bien jouer avec. Mais tu fais quoi avec elle? Oh, je ne veux pas le savoir. Ça fait pouit-pouit juste. Violaine, 21 ans, elle est au Touquet. Bonjour Violaine. Allô Violaine. Et okay. Dis donc, et Luzman. Oui. 2 sur 4, c'est pas mal, c'est un bon score. Hein. Ça fait 50%. J'ai l'impression que t'es en forme. On est de retour, hein, Luzman. Bah, oui. C'est la rentrée de Luzman. J'ai fait une semaine parfaite, m'en demande pas plus. Hein. Bah écoute, je vais t'en demander un peu plus parce que comme on est censé travailler quand même un peu plus d'une quarantaine de semaines, il va falloir que tu nous rattrapes. Il y a Johan sur Twitter qui dit je suis grand, mais quand on me dit quoi, je réponds fur. Et quand on dit un, je dis deux. Ah, ouais. Genre, ouais, il y a pas d'arrête dans le beefsteak. Il y avait aussi qui quête marchand d'allumettes. Non? Ah non, je connais pas ça. Non, non. Oh, vous êtes sérieux? Bah, oui. Qui quête marchand d'allumettes, 3 francs la baguette? Non, merci. Vous êtes sérieux? Eh, vous avez eu une enfance de merde. Excusez-moi de vous le dire. Bon, on le met alors. Ouais. Ah oui, quand même. J'espère. Il tape un peu ce titre, mais j'aime bien. Hardwell, Lil Jon, WNW, Live the Night. Là, là, là. J'adore ce truc. Et on va te la réveiller, la France, là. Mardi, c'est le 6 septembre. Il y a le jeu des 30 secondes qui arrive. Et qui c'est le champion pour l'instant? C'est toi. Oh oui, flattez-moi. 32-28 pour gagner un overboard. À tout de suite. Salut, c'est JB. C'est Adrien Thomas. Sur Fun Radio à 19h, pas de blabla, on allume les platines et ça mixe en direct pendant une heure. Pour découvrir des nouveautés et des remixes exclusifs avant tout le monde. Rendez-vous ce soir à 19h dans le Before Party Fun sur Fun Radio. Le son dance floor. .fr, annuaire de référence pour trouver un coiffeur. 118 712.fr. Trop frais.

Après le mois météo, il y aura l'horoscope. Et puis les astuces du jour avec Geneviève. Ah, on sait qu'il y en a. Et bien de temps en temps, t'es content de zapper sur une radio qui dit hey, c'est dur de se réveiller, on a ça. Voilà. Allez Geneviève, bouge ton boule. Enfin, laissez-moi tranquille. Kungs et Hardwell. C'est ce qui arrive sur Fun Radio. On a lancé le hashtag ce matin, je suis grand, mais les trucs qu'on continue à faire grand, les trucs qu'on faisait petit, mais comme la surprise que Loosman, donc il va chez McDo, il se oui. prend toujours le menu pour enfants, le Happy Meal, pour avoir la surprise de dedans. Et on en a eu plein. Je voudrais dire à Mika Roca du JPI que je le déteste. T'es dans mon dos, Mika ? Absolument. Voilà. Il a posté sur Twitter avec le hashtag je suis grand mais je chante toujours la chanson trois petits chats chapeau de paille chapeau de paille et c'est quoi paille, et depuis paille, que je paille, l'ai paille, lu paille, je l'ai en tête paille, dans ma paillasson son somnambule marmiton, merci. C'est un 6, mec. L'essentiel est de ne pas paniquer. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Pardon. Il est toujours là, Eliott. Marmiton. C'est pas ça. Bonjour. Au jeu des 30 secondes ce matin, à Bourges, il y a Kevin. Il a 21 ans. Il est conducteur routier. Applaudissements pour Kevin. Bonjour la famille. Salut. Conducteur routier dans la région, dans le Cher, ou alors tu bouges un peu ? Je suis dans la région Centre. D'accord, ok, très bien. Kevin, ce matin, tu joues face à Pauline. Pauline, elle habite à Hérisson, oui, comme l'animal. C'est dans le 03, elle est infirmière. Applaudissements pour Pauline ! Okay. Bonjour, salut Pauline. Salut Bruno, salut la famille. Coucou. Salut. Pauline dans l'Allier. Ouais. Bon, Pauline, Kevin, Kevin, Pauline, ça rime. Gros texte, hein, vous avez vu, hein, tout ça c'est écrit par des gens. Attention. C'est le jeu des 30 secondes, vous allez tenter en 30 secondes de deviner un maximum de mots. Des mots que vont vous faire deviner des gens de l'équipe. Et la nouvelle règle du jeu des 30 secondes depuis notre rentrée, c'est que le gagnant conserve son titre et le remet en jeu. Et aujourd'hui, regardez parce que je l'ai, si vous suivez l'émission en vidéo, nous avons un vrai trophée sérigraphié, trophée du champion. Du jeu des 30 secondes, pour l'instant, c'est moi qui l'ai. On dirait un peu l'étoile des 12 coups de midi. Exactement. Pour l'instant, c'est posé ici, devant mon micro, car j'ai gagné hier une victoire. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est Pauline, Kevin, lequel de vous deux veut jouer avec moi ? Moi. Bon, bah, je joue avec Pauline. Kevin ? Ouais. Avec qui tu veux jouer ? Avec Elliot. Ah, yeah. Ça fait zizir. Et en vrai joueur, tu veux jouer avec qui? Ouais, vas-y. Let's is back. Ok. Alors, du coup, on va dire. Qui commence? Parce que hier, j'ai dit, ah bah tiens, on m'a fait chier. Donc, moi, je ferai commencer Elliot. Tu fais commencer Elliot, ouais. Très bien. Allez, Elliot. Elliot ne connaît pas la liste des mots, Kevin, d'accord. Il la découvre au lancement du chrono et c'est à toi de jouer pour trouver un maximum de mots. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Allez, après 3, le chiffre c'est. 4. Ok, quand tu te sépares d'un homme et une femme, tu vas, tu tues divorce. Ouais, ok. Le verbe. Divorcer. Ok, c'est un animal, c'est comme une chouette. Coucou. Ouais, c'est bon. Quand tu as de la bravoure, tu vas te combattre, tuer. Courage. On peut dire... Ouais, voilà, exactement. Quand tu manges une soupe de poisson, c'est pas de la mayonnaise, c'est le truc orange, c'est de la. Sauce. Non, ouais, mais il y en a aussi sur des pièces. Ça peut, si tu la mets dans l'eau, ça s'oxyde. C'est de la rouille. Fallait s'y connaître en soupe de poisson. Bah oui, de la rouille. Ouais, bah oui. C'était compliqué. Là. On peut y jouer cette phrase. Faut s'y connaître en soupe de poisson. Tu t'y connais en quoi, toi, dans la vie? En soupe de poisson. Moi, j'ai bien aimé ton coucou aussi. Ouais. C'est vrai que le hibou fait coucou, hibou. C'est connu. Ça fait 4 points. 4 points pour Kevin. C'est pas mal. Pauline. Ouais. Il faut qu'on fasse mieux que 4. Mais évidemment. 4, c'est pas mal, attention. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Top chrono, c'est parti. Quand on a les yeux qui regardent dans deux sens différents, c'est le verbe. Si on dit que s'il y a un courant d'air, ça restera comme ça toute notre vie. Loucher ? Oui, exactement. On se lave avec du. Savon. Ouais. Sur la mer, il y a des oiseaux blancs qui font. Ce sont des. Ouais, très bien. On peut avoir, quand on craque pour quelqu'un, on a un coup de. Non, un coup de, ça tombe quand il y a de l'orage. Ah, oui, très bien. Une merde, le nom gentil, c'est une. Un caca. Ouais, de bic, bic. Merde. Oui. Égalité, c'est ça. Hein. Pardon, Bruno, juste tu peux refaire la mouette, s'il te plaît. Bon, Pauline, Kevin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à égalité. Ça veut dire que c'est Vaché qui va tenter de vous faire deviner un mot. D'accord? Le premier de vous deux qui trouve le mot gagne l'overboard. Et si c'est Kevin, il donne la victoire à Elliot. Si c'est Pauline, je garde le titre. D'accord? Allez, Kevin, tu dis tout ce qui te passe par la tête. Faut être le plus rapide, Vaché. Okay. Quand tu veux. Alors, c'est un animal, il paraît que dans certaines contrées lointaines, il y a les fermiers qui couchent avec. C'est interdit. Hein. Des moutons. Non, c'est une. Chèvre. Chèvre. Voilà. Ah, c'est. Et c'est Pauline qui a gagné. Bravo, Pauline. Bravo. Mais t'es obligé de faire le mariol Vaché. Là, tu peux pas dire, c'est un truc qui fait baie, et voilà. Basta. Pauline. Oui. Overboard pour toi, on t'envoie ça très très vite. Super. Et on t'embrasse. Et je garde le titre. Il est là, il est dans ma main. Yeah. Je suis fier. Remontez le son. J'ai une témoin. Voici W. Titre. WW Hardwell. Voilà, je voulais un truc pour bien vous réveiller ce matin. Live the night sur Fun Radio. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour votre DJ préféré. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Fun Radio présente le jeu le plus attendu sur PlayStation 4, No Man's Sky. Embarquez pour un voyage épique vers le centre d'un univers sans limite. Soyez les premiers à atterrir sur des planètes inconnues, uniques et pleines de vie. Saurez-vous survivre dans des environnements hostiles dans lesquels des civilisations extraterrestres et des bandits veulent y faire régner leur loi? No Man's Sky est maintenant disponible sur PlayStation 4. L'univers est votre seule limite. Avec Fun Radio. Fun Radio. Merci Fun, j'adore trop le son que vous passez. Le son dance floor. Salut, c'est Anne sur Fun Radio. I wanna be away. Can't let my mind be asleep all day. Gonna pack it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. Some new effort, yeah. Et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais! 6h, 9h. On Fun Radio. Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous sommes mardi, nous sommes le 6 septembre. C'est Fun Radio, c'est Kungs. Kungs. Ça va arriver sur Fun Radio. Si on a le temps, on passera également du Major Lazer. Major Lazer, ça fait plaisir. Mais pour l'instant, au téléphone avec nous, nous avons Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour la famille. Coucou. Salut Coco. Coralie, t'es enceinte de 9 mois. Oui. Pas révolu. T'es pas encore complétée dans ton 9e mois. Oui, je suis dans mon 9e mois. Oui, oui. Attends, oui, donc, on va voir. Et ah, est-ce que t'as accouché ou pas? Non, mais là, c'est j'aimerais, cool. J'aimerais. Ça va arriver d'un jour à l'autre, en fait. Ben ouais. Ce serait bien d'ailleurs. C'est prévu pour quand? C'est quoi la date? Alors, le terme, normalement, c'est le 25. 25 septembre. Septembre. Il te reste, ouais. 13, 20. Ah, mais ça peut arriver. Hein. C'est vrai que le dernier mois, ça peut arriver n'importe quand. Hein. C'est ce que nous a dit la sage-femme. C'est génial, vraiment. Enfin, tu fais tes courses, t'entends je ploque. Et après, merde. Ouais, 19 jours. Bah, et t'as préparé ta petite mallette avec tout ce qu'il faut, le nécessaire. Ouais, ouais. Mais alors, du coup, là, comment ça se passe? Ton mari, il travaille? Eh oui. Alors, mais si jamais ça se passe là tout de suite, qui t'emmène? Ben là, tout de suite, ben, lui, il va falloir qu'il parte du travail, qu'il m'amène. Et rien n'est à côté en plus, hein, donc autant te dire que... C'est ton premier? Ouais, bon, c'est mon premier, ouais. Ouais, mais quand c'est ton premier, t'as un petit peu de temps. Hein, donc, et... Oui. Et c'est ton premier mec aussi ou pas? Non. Ah. Ils étaient combien lors de la conception? Bon, on se dit tout. Coralie, tu voulais parler d'un truc à l'antenne et je voulais qu'on te passe. Là, voilà, t'as appelé le 3228 et donc bah, t'es chez toi, hein, t'arrives ici en direct. Mm-hmm. Tu veux faire une boîte à papa? Je savais pas ce que c'était. Eh bien, écoute, moi aussi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. En fait, c'est vachement la mode en ce moment. C'est une boîte en fait que les futures mamans font pour offrir au papa durant la maternité. Enfin, durant l'accouchement, en fait, bah, pour faire patienter, en fait, papa, durant, enfin, à la mater, quoi. Ah, mais alors, attends, mais on met quoi comme cadeau dedans? Un DVD de Jackie et Michel avec... T'as mis quoi dedans? Bah, écoute, moi, pour le moment, j'ai mis des petits grattages, enfin, déjà grattés, j'ai mis des Maltesers parce qu'il est fan, mais voilà, j'avais besoin, justement, un peu de vos idées, voir qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à un futur papa en attendant que le bébé arrive, quoi. Alors, tu sais quoi? Il y a 20 minutes, j'ai dit qu'on allait parler de ça, de la boîte à papa, en disant que je ne savais pas ce que c'était. Mm-hmm. Et du coup, bah, il y a des auditeurs, et c'est ce qui est génial dans cette émission, c'est ça aussi, hein, le principe de la famille, qu'ont appelé le 3228, qui, eux, savent, et notamment Manon, elle a 26 ans, elle est à Lyon. Salut Manon! Salut Bruno, salut la famille! Coucou! T'as fait une boîte à papa, toi, ou pas? Ouais, j'ai fait une boîte à papa, bah, il y a à peu près 8 mois, parce que du coup, j'ai accouché maintenant il y a 6 mois, donc ça a occupé un peu mon congé mat. Ouais. Donc, j'ai mis pas mal de trucs dedans, j'avais mis un permis poussette, un biberon, j'avais mis pareil, des jeux à gratter, j'avais mis aussi en rapport avec bah, nous, un peu notre passé de fêtard, j'avais mis une bouteille de whisky avec une bouteille de coca et des gobelets. Ah, pourquoi? Parce que vous avez eu l'enfant après avoir bu de l'alcool? Non, mais voilà, c'était plus en rapport, un petit souvenir par rapport à nous, toutes les fêtes qu'on avait fait qu'on pourrait plus forcément faire, pas tout de suite du moins. Ouais. Et franchement, il a adoré, j'avais mis aussi des Skittles parce qu'on avait déliré sur la pub Vas-y ma belle, donne-moi des bonbons frites. C'est trop mignon. Pendant ma grossesse, et voilà. Il a vraiment adoré et je lui ai donné en fait quand il est rentré, quand j'ai accouché le soir, donc le premier soir il est rentré, je lui ai dit il y a un petit cadeau pour toi et puis, il était super content. Ah ouais, je trouve ça super touchant, Manon. C'est une super idée. Vacher, tu voudrais quoi dans ta boîte à papa? Un billet d'avion qui parte loin, très loin. Un billet d'avion effectivement pour le Mexique et des escort girls. Manon, je te remercie d'avoir pris le temps d'appeler, je te fais des bisous. Je peux faire un petit coucou? Vas-y ma chérie. Coucou. Je fais un coucou à toutes mes copines des Marsettes 2016 sur Facebook et surtout à mes binomètres. Gros bisous. Eh ben, écoute, bisous ma belle. Merci, bisous, salut. Salut. Moi j'aimerais qu'un jour quelqu'un arrive à l'antenne en disant je peux faire un coucou et que je dise oui, qu'elle fasse. Voilà, ça me ferait rire. Coralie, bah, tu vois, t'as quelques idées. Oui. Eh ben super, merci beaucoup la famille. Eh ben de rien, on te fait des bisous. Gros bisous. Bisous. Passez une belle journée. Et vous qui avez des gamins, vous regrettez pas vos dimanches où vous foutez... Bah ça va, je dis ce que je veux. Vous qui avez des chiards. Mais non, vous regrettez pas vos dimanches où vous foutez rien, vous glandez rien. Mais c'est génial, bah tu fous rien mais avec ton fils. Mais oui, c'est exactement ça. Et puis surtout, enfin, justement, t'as l'impression de servir un peu plus à quelque chose le dimanche, quoi. Et au pire, s'il est vraiment chiant, tu le congèles. Bah ouais. Quelle horreur. T'es sûr de ça? Hein? J'ai entendu dire que. Oh, pardon. Alors, peut-être qu'on est dans un pays un peu carré, mais je crois que c'est interdit. T'es à la place, vous voulez que je vous fasse coucou? Ouais. Non. C'est plus... Ouais, c'est un peu lourd, peut-être. Ouais, c'est ce qu'on se disait en antenne, on voulait pas te vexer. Ah, d'accord, très on bien. On s'était dit ça, oui. Bienvenue sur Fun Radio, dans 3 minutes, 9h. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et aujourd'hui c'est la Saint-Ève. Et si vous vous appelez Ève et que vous êtes toujours au lit, petit conseil. Ève, lève-toi, danse avec la vie. Merci. Et pour commencer polémique, le maire de Béziers, Robert Ménard, a déclaré qu'être français, c'était être blanc et catholique. Et être maire de Béziers, c'est être petit, con et avoir la tête de Gargamel. Étude, pour être plus productif au travail, il suffirait d'avoir une plante verte dans son bureau. Une bonne nouvelle pour les anciennes Miss France, demandeuses d'emploi. La Corée du Nord a tiré 3 missiles balistiques. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait, je suis justement en Corée du Nord et je... Oh ouais, sauf que personne ne va en Corée du Nord, Anthony. Et pour finir, si vous aimez les feutres et les vaches, utilisez un Stabilo Booze. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. C'était bien, c'était efficace. Ouais, c'était bien, court. C'était court, hein. Ouais, c'était bien. Mais tu sais quoi, plus c'est court, mieux c'est. Ouais. Peut-être qu'on aurait essayé de se contenter du générique. Juste pour voir, on teste quoi, tu vois, rien d'obligatoire. Le nouveau Soprano, je suis en feu, ça va arriver, Madcon. Ça va arriver. Avec Willy William. Bah, il bouffe à tous les râteliers. Non, il est partout. Il est partout, lui. Hein. Ouais. Il est avec Chris Cam, il est avec Madcon. Lui, à mon avis, l'année dernière, c'était quoi son gros truc avec Willy William? Ego. Ah, ouais, bah, tu sais quoi, il a dû se prendre une pilée des impôts et là, il fait des featurings avec tout ce qui passe. Hein. Peut-être qu'il veut une piscine. Hein. Ouais. Non, à mon avis, on est sur des impôts. Il peut faire de la pub très vite. À mon avis, je serais pas surpris qu'on voit Willy William dans une pub Kinder Bueno. Ouais, au cœur de Lyon. Au cœur de Lyon. Sûr, avec son petit-fils sur les genoux. Tu sais ça, c'est cœur de Lyon. Ouais, bien sûr. Moi, Willy William, je cautionne ce fromage. Ouais, pour Darty. Je me balade dans Darty. À mon avis, ça sent le délire. Moi, je sens ce dos. Allez, le top 3 des lieux qui arrive juste après les news. Ce soir, 20h, 22h, c'est Love in Fun avec Doc, Karel et Alice. Katoche est avec nous. Bonsoir, Katoche. Vous vivez une aventure incroyable tous les deux. Ah, carrément, oui, je confirme. Vous allez vraiment vous marier? Oui. Katoche, tu as dit oui? Oui. Oh, oui, oui. Doc va se marier cette année. Il y a 22h. C'est le Night Show avec Marion et Anso. Amir, des réseaux sociaux, est-ce que tu as joué à un jeu cet été? Ouais, j'ai essayé le loup-garou. Dis-moi, toi, t'étais le loup-garou? Ouais, bah, comment tu sais? Les sourcils. Fun Radio. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le La Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Leclerc. Maman, viens voir ! Quoi ? Si je te dis je veux du volume style à cils zéro défaut, mais j'ai pas de temps à perdre pour me maquiller et je veux aller vite ? Oui, bah quoi ? Maman, mascara volume flash de Rimmel, regarde, avec 40% de réduction en ce moment chez Leclerc. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le mascara volume flash de Rimmel avec 40% de réduction immédiate est à 4,17€ après réduction. Vend modalité dans les magasins participants. Bon, je t'en prends un, je m'en prends un, mais le mien reste le mien, on est bien d'accord? Promis, Mamoun. Bougez pas, Bruno. Les trois meilleurs moments de l'émission, compilés par Elliot, ça s'appelle le top 3. Il y a eu de bons délires ce matin. Oh oui, et puis il y a Vaché qui nous a présenté un de ses nouveaux talents. Est-ce que je dois le rediffuser? Je suis pas sûr. Ah, non, et quand non, il non, fait non. Le rappeur? Ah, non. Ah, un autre, d'accord. Oui, celui que tu vas pas aimer, ouais. Ah, donc on est calé, vraiment. Bah, restez, si ça arrive, ça fait radio. Fun Radio. Le son. Dance. Fla. Fun. En attendant l'info, en deux minutes, sur Fun Radio, c'est avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo de ce mardi 6 septembre. Une journée ensoleillée, sauf au nord de la Seine, entre les Hauts-de-France et la région parisienne. Les nuages resteront bien accrochés dans le ciel. Côté température, c'est toujours estival, 14 à 18 degrés ce matin. Dans l'après-midi, il fera 20 à Dunkerque, 25 à Paris et Annecy, 28 à Biarritz et Aurillac, 29 pour Rennes, 31 à Perpignan. Direction la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France de foot débute ce soir ses qualifications pour le prochain mondial. Les Bleus joueront en Biélorussie à 20h45. Le sélectionneur Didier Deschamps alignera un 4-4-2 avec Giroud et Griezmann en pointe, comme il l'avait fait pour les derniers matchs de l'Euro. Marseille à feu et à sang, deux hommes ont été tués par balle hier soir dans un bar de la cité phocéenne. Ils avaient 40 et 59 ans. Les faits se sont déroulés à seulement 200 mètres du commissariat central, alors qu'une cinquantaine de personnes étaient présentes sur place. Il s'agit des 25 et 26e homicides depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône. Toujours à Marseille, l'incendie qui s'est déclaré hier soir au sud de la ville est en voie d'être maîtrisé ce matin. 360 hectares de forêt ont brûlé, mais les flammes n'ont fait ni victimes ni dégâts sur les habitations. Les prix des transports sont raisonnables en France. Résultat d'une étude publiée hier par le comparateur de prix GoEuro. On se classe 11e sur 40 pays, mais surprise, voyager en train à l'intérieur de nos frontières coûte plus cher qu'en avion, à 17,50 € contre près de 15 € les 100 km. Les plus petits budgets opteront pour le car à seulement 5 € pour le même trajet. Et puis il y a du tennis ce soir avec notamment les quarts de finale pour nos Français à l'US Open de New York. Lucas Pouille contre Gaël Monfils à 20h et Joe Wilfried Tsonga face à Novak Djokovic. Ce sera à 3h du matin. Autre qualifié cette nuit, Del Potro, Wawrinka, Nishikori et Andy Murray. Il est 9h03. Bonne matinée sur Fun Radio. Fun Radio. Mardi, c'est le 6 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 9h04. Bonjour! Fun Radio, la première radio dance floor de France. Le nouveau soprano, il est chez nous. Et ça s'appelle En Feu. Le nouveau Madcon. Avec Willy William. Et aussi sur Fun Radio, Jonas Blue, Perfect Stranger, ça va arriver dans l'heure. Et Lion. Ça, c'est génial. Découverte Fun Radio, Lion, nouveauté. J'adore ce titre. Bon, toute l'équipe de Bruno dans la radio, elle est là comme chaque matin, au taquet. Il y a Christina. Bonjour. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Et on va attaquer avec les trois meilleurs moments de l'émission. Ah oui. Vu par Elliot, c'est le top 3. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Elliot. Top gracias mucho. Dans le jingle, ça dit top gracias mucho à un moment, ça ne veut rien dire. Au début, je pensais que c'était la traduction en espagnol de top 3, tu vois. Ouais, mais non. Mais non, pas du tout. Mais comme Elliot, ça ne veut rien dire. Exactement. C'est vrai, c'est un bon résumé. Allez, numéro 3. Numéro 3. Numéro 3, Bruno, ouais, c'est ce dont je te parlais, le nouveau talent de Vaché. Alors moi, je croyais que c'était quand il avait rappé, tu m'as fait non. Donc en fait, tu m'as remis le moment où il fait des faux rots. Entre rappé et roté, oui, il n'y a qu'un pas, Bruno. C'est ça, ça nous ramène à Yanis, 7h45, qui nous a dit que lors d'une soirée d'intégration, il avait un petit peu trop bu. Et donc quand il a voulu retourner à son lycée, il s'est endormi dans la forêt. Ok. Et du coup, il a voulu passer une dédicace. C'est là que ça se complique et que Vaché intervient. Je fais juste une petite dédicace à ma famille et à toute ma classe de CPI 1 et à monsieur Romain Berthaud. Oula, il est encore pour aller, hein. Une petite dédicace. Vas-y, fais un rototo. Ah, donc on se dit que t'as fait un vrai rototo là. Ah non, non, je les imite très bien. Ah bah écoute, ça je te confirme. Je peux les faire. Non, non, c'est des faux, attention. Ah ouais. C'est le bruit. Genre. Non, non, ça ne sort pas. C'est ah non, horrible. Parce que vous, vous pensez que je vais les chercher loin, mais même je peux parler comme ça. Tu vois, c'est juste de l'imitation. Je fais. C'est du faux. Je peux le faire à l'infini. C'est bon, on a compris. Ouais. Non, c'était pas un vrai héros. Ouais, il y a mésentente totale. Alors, je suis d'accord qu'à la radio, peut-être ça prête à confusion et c'est dégoûtant. Mais... T'as essayé là, vraiment ouais, essayé, vas-y. Mais Elliot, il est pas loin. Tu vois, c'est pas loin de ça. Et en fait, ça vient pas du fond de ton estomac et tout qui est dégueulasse ou de ta gorge. Ça vient vraiment de là où il y a la langue, quoi. De cette zone-là de la bouche qui est encore à peu près propre. Ah, dis donc, Laurent Gérard, t'es gentil. Non, mais. Explication d'imitation. Mais non, mais parce que je veux pas que les gens soient dégoûtés alors que, voilà, je suis une princesse, hein. C'est juste que je sais faire du. Pour de faux. C'est pas mal, non? Vous êtes moins impressionné que tout à l'heure, j'ai l'impression. Mais non, mais parce que maintenant que je sais que c'est un faux qui sonne comme un vrai. J'ai perdu le public. J'ai dévoilé des coulisses. Je suis un magicien qui a expliqué comment il faisait rentrer le lapin dans son chapeau. Exactement. Et maintenant, les gens n'en ont plus rien à foutre. Numéro 2. Nul. Numéro 2. Oui, ça suffit. Ça suffit, vraiment. Numéro 2, les alert people, maintenant, vous le savez, peuvent tomber n'importe quand dans l'émission. Et ça nous a permis de faire un nouvel accent ce matin. Enfin, on l'a déjà fait, mais on le fait peu. Alors, j'ai tenu à le remettre dans le top 3. C'était lorsque tu parlais d'une star, mais vu que j'ai pas écouté, j'ai pas voulu rechercher. C'est Calvin Harris avec sa nouvelle meuf. Ah voilà, ouais, il sort avec une Mexicaine. Oui. Ah bah voilà, réécoutez. Elle s'appelle Elisa González. Oh, Elisa González. Eh, mariachi. Elle est vraiment très belle et le couple a été vu main dans la main le week-end dernier à Los Angeles. Alors pour l'instant, ils disent que c'est vraiment le début hein, d'une histoire. C'est pas grand-chose, mais peut-être que ça va durer. Bien sûr, on va pas mettre la paella avant le plat, mais ça débute bien. Non, la paella, okay. C'est pas le Mexique. Ah bon? Non. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas mettre les... Le chili. Mais non, le Mexique, c'est les pepitos. Ah, on va pas mettre les pepitos avant les churros. Ah, les churros, c'est espagnol. J'aurais dit les tacos, peut-être. Ah, merde! Putain de pays que je ne connais pas. Vaché, entraîne-toi pour la prochaine fois, s'il te plaît. Pourtant, je suis allé à Cancun, hein, il y a quelques années. C'est au Mexique, Cancun. À part des strings, à part des strings, il n'y avait pas. Ouais, parce que sinon, il n'y avait pas d'intérêt à aller une anecdote. Si c'était en Suède, tu vois, bah, du coup, ça n'intéressait personne. Ah, c'est bien Cancun, ça te plairait d'ailleurs, Elliot. Oh, oui. Ah oui, c'est là où il y a le Spring Break et les meufs à poil. Ouais. Entre autres. Mais on bosse toujours à chaque fois à cette période-là, alors je peux jamais. Tu sais que je fais très bien le Cancun. Ah, vas-y. Non, le Cancun. Je sais ce qu'il va faire. Oh là là, j'en peux plus. Cancun hibou. Faut que cette émission s'arrête. Numéro 1. Non mais elle aurait dû s'arrêter il y a 3 ans. Faut qu'on vienne nous chercher avec des gens du SWAT qui descendent avec une corde et qui nous extraient du studio. Nouveau rendez-vous que vous connaissez et j'espère parce que ça fait quand même une semaine qu'on vous le diffuse, alors il serait temps, en plus il est super, c'est brioche ou croissant, Bruno, c'est ça, je me trompe pas? Non, brioche ou croissant, voilà, on pose des questions à une star, à chaque fois il doit faire le choix entre deux choses et ça commence par brioche ou croissant. Exactement, aujourd'hui c'était Jessica des Marseillais qui s'y collait. Problème de Jessica, c'est qu'elle avait un rire improbable. Improbable. Je vous propose de réécouter, on s'est tapé tout un délire derrière, c'était assez exceptionnel. Bah, je suis coupé la musique vraiment, c'est son rire ça. Les amis. C'est quoi, on pourrait faire une émission là tout de suite. Rendez-vous en terre inconnue dans le cerveau de Jessica des Marseillais. Rentrez. Rentrez, venez avec moi, n'ayez pas peur, rentrez. Waouh, il y a de la place. Ah oui, c'est spacieux ou pas? Et là, monsieur Plaza, vous êtes pas foutu de votre gueule. Ah bah, au plafond, sous plafond, il y a 3 mètres. C'est-à-dire que normalement, ici, il faut imaginer qu'un cerveau. Mais il est où le cerveau? Alors, bah, justement, on ne l'a pas mis. Ah d'accord, d'accord. On a tout misé sur les seins et puis on a vidé l'intérieur, donc voilà. D'accord. Vous pouvez vous installer ici, si vous voulez. La chouette. On peut mettre un beau meuble, hein, vraiment, un gros truc. Hein, ici, hein. Et là, vous pouvez garer un véhicule. Ou dans son cul. Bruno, je te remercie. Pardon, c'est Stéphane Plaza. Ouais, mais justement, c'est ce qui est extraordinaire sur Fun Radio, c'est que voilà, je le dis souvent, mais tout ça, c'est de l'improvisation. Rien n'est écrit. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est un peu moins drôle. Mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est que je mets le générique de Rendez-vous en terre inconnue, présenté par Frédéric Lopez, et Vaché derrière dit alors, monsieur Plaza. Mais oui, mais parce que après, pour moi, on a combiné deux émissions. Ah ouais. Et pour nous, on est déjà dans le futur. Ah, d'accord, ok. Une émission concurrente, ouais, ils auraient fait ça. Ils seraient restés dans Rendez-vous en terre inconnue. Tout le monde se serait ennuyé. Il y aurait peut-être eu des gens devant leur radio qui auraient dit tiens, je m'ennuie. Ouais. Finalement, ma vie n'a pas de saveur. Finalement, je me suicide. Et voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Le mec a commencé à dire ouais, je m'ennuie. Et là, on a fait Stéphane Plaza. Il a fait oh, regain d'intérêt. Je reprends goût à la vie. Qu'est-ce que je fais? Je sors, je trouve une femme, je lui fais des enfants, je fonde une famille. Et finalement, est-ce que j'ai pas là atteint le but de mon existence? Et tu me fatigues, Vaché. Merci. Tu sais quoi? Par contre, avec mon anecdote, il s'est refoutu en l'air. Ouais. Avec ma je crois que c'est temps qu'on s'en aille. Sur Fun Radio. Gloire au Châtelain. Gloire au Châtelain.